vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Justine Renaud décomplexifiera la science dans sa chronique Justine Pertine. Et on déboulonnera les idées reçues avec une nouvelle chronique de Jimmy Thibodeau. Oh, le retour! C'est excitant! Assemblage requis commence dans quelques secondes. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 17 octobre 2017 à 192 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, en Mauricie, situé sur le campus de l'Université à Trois-Rivières. Ça va bien, Mathieu? Ah, 7h15, oui, ça va très bien. Oui, exactement. 7h16, pour être exact. C'est ça, hein, on commence un petit peu tard. C'est peut-être ma faute un peu. Peut-être que la bière n'est pas faite pour moi. Oh, peut-être. Non, non, Mathieu ne boit pas de la bière à 7h, sachez-le. Non, non, non, le lundi soir. Exactement. Faudrait vraiment que je refuse. Mais comment veux-tu refuser? Ok, tu prends autre chose. Oui, une coupe de vin. Hein. Exactement. Ça serait pas pire, ça. Ça serait peut-être mieux. Ça va me coûter plus cher parce que la bière est gratuite au match d'impro, mais j'avoue que ça pourrait peut-être me faire moins mal. Probablement. Bref, on n'est pas là pour parler de ma digestion, même si dans quelques secondes, on va parler de partie de l'anatomie masculine dans son foutu palmarès. Ah ouais? OK. Mais avant ça, parlons de ce qui s'en vient plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Hey, c'est une journée quand même assez remplie. Hein? On en voit rarement des aussi remplis que ça, donc il faut commencer à un moment donné, puis après ça s'arrêtera plus. Hein? Faut qu'on y aille. Donc, à cette Faut qu'on y aille. Dis pas ça, j'ai envie de retourner. Excuse-moi, Mathieu. À 7h30, Justine Renaud va être là pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Aux deux semaines, on parle de science avec elle et nous fait entendre la musique qui a rapport avec ses... Oui, on se rappelle la semaine dernière, elle a parlé de bière aussi. J'espère que c'est la deux semaine, semaines. C'est ça, ouais. Deux semaines. Si je me souviens bien, elle dit que ça allait être une partie 2. Oh, oui, c'est donc vrai. Donc, tu vas peut-être comprendre ce qui se passe avec ta digestion, Mathieu, aujourd'hui. J'avais oublié ça. Moi, t'as dit que ça fait bien avec ma vie. C'est fou, hein? On dirait qu'on a seté les choses pour... Le hasard fait bien les choses, peut-être. À 8h, Marc-Olivier Dumas avec Sport et Filoché, les nouvelles sportives de la semaine, que ce soit au niveau local, universitaire, régional, québécois, peu importe. Ensuite, à 8h30, les nouvelles de l'Afrique, avec Dominique Mavungu dans Voix d'Afrique. À 9h, on ramène un ancien chroniqueur de l'émission. Il était avec nous il y a vraiment longtemps, là. Oui. Quand même, ça fait un bon bout qu'on ne l'a pas vu. Au début, quand tu étais ta première année, je pense, hein? Est-ce que c'était ma première année? Oui, je crois que c'était ma première année. Fort probable. Probable. Donc, on le ramène avec une idée sur une chronique sur les idées reçues. Voilà. On n'en dit pas plus que ça, parce non. que c'est flou pour moi aussi. Mais on parle de Jimmy Thibodeau, bien sûr. Jimmy Thibodeau. Alors, ça, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. Ta collègue s'en vient aussi. Tania's Gonna Entertain Ya. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la fin de l'émission? Je vais vous laisser sur le suspense parce que vous savez à quel point j'aime les suspens dans mes chroniques. Ça à glace? Ça à glace, Mathieu. Et le mot glace est souligné. Ça. Exactement. Soulignons au caractère gras, au highlighter jaune. Ah ouais, wow. On met ça sur la glace. Voilà. En tout cas, ça s'annonce comme une très bonne émission divertissante. En effet, je suis vraiment d'accord avec toi. Émission très remplie. Puis j'ai comme peur de ce que tu veux nous parler dans son futur. Ouais, effectivement, on perd un peu plus de temps que ça, étant donné que je vous ai fait attendre assez pour aujourd'hui. Donc, allons-y tout de suite avec son foutu palmarès. Sous-titrage petit palmarès de la chronique. Bon, j'ai mis une liste sur un sujet plus ou moins précis. Oui. Je trouve ça quand même très précis, moi, ce matin, comme sujet, Mathieu. Par contre, ben oui, un peu plus précis que d'habitude. En fait, j'aime bien les thématiques, comme tu le sais. Oui. Et cette fois-ci, on y va avec l'anatomie masculine. Exactement, parce qu'on a déjà fait l'anatomie féminine. Tout à fait, oui. On va se rappeler, on avait parlé de la poitrine, exactement. Donc là, tu me parles des hommes. Ben, il faut bien, à un moment donné, que je sois égal, hein? Ben oui. Des deux bords. On n'a pas le choix. Contrairement à égalité. Contrairement à des testicules. Exactement. Qui ne sont pas égales d'un bord et de l'autre, parce que sinon, quand tu cours, ça ferait boing, boing, boing. Comme le jeu dans le temps, tu sais, que tu fais. C'était quoi le jeu? Ah, mon Dieu, avec un enfant, là. Attends. Je me souviens pas c'est quoi le monde. Il y avait un nom pour ça, je sais pas. Je sais pas, les boules. Les boules. Les boules. Donc, aujourd'hui, on parle d'anatomie masculine. On va parler de scrotum. Oh, d'accord. Et d'érection. Ouais. C'est pas pire quand même, hein? C'est bien ça, vous l'avez bien compris, les 7h20 ce matin. 7h21, pour être exact. On n'a pas besoin d'être né pour avoir une érection, pour commencer. Non? Non, cette jolie silhouette sur l'ultrason pourrait en fait avoir une érection. Hein? L'appareil génital commence à se développer vers la 6e semaine de gestation. Et donc, ça peut être, en fait, à partir de la 10e semaine... que le, donc, 10 semaines plus tard, oui, que le fœtus mâle peut avoir une érection. J'imagine que c'est comme ça qu'on est capable de déceler les petits garçons sur les ultrasons. D'après moi, même sans érection, tu peux voir que c'est un... Un petit garçon. Un petit garçon. Ouais, probablement. Qu'il a un petit garçon dans le pantalon. voilà. Les érections viennent en trois formats. OK. Ouais, trois différents types d'érections, en fait. Les érections, donc, psychogéniques, hein, après avoir fantasmé ou regardé quelque chose qui t'envoie du sang dans le machin. Ouais, exactement. Les érections nocturnes, qui sont celles qu'on vit la nuit. Et finalement, les érections réflexogéniques, oui, qui arrivent après des activités physiques au lit. OK, au lit. Au lit, bien pas sûr. Pas genre aller courir le marathon. Non, mais ben non, non. OK. Parlant d'érections la nuit, tiens, les hommes vont avoir typiquement entre 3 et 5 de ces érections nocturnes. Hé, là, là, c'est beaucoup quand même. Oui, oui, oui. C'est quelque chose. C'est rien comparé aux 11, bien sûr, qu'on a pendant la journée. Ou 11? 11 qu'on a pendant la journée, ou des érections. Mais on ne dit pas les érections complètes, nécessairement. OK, ouais. Des érections, oui. C'est ça. Est-ce que je vais dire le mot érection le plus souvent possible? C'est sûr que oui. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment, en fait, pourquoi l'engin masculin se lève comme ça la nuit. Mais on pense que c'est pour pour amener de l'oxygène, mm-hmm, voilà, dans les machins et le garder santé. En santé. La santé, exactement, c'est toujours important. Ouais, peut-être que ça fait juste un flux de sang. Faudrait demander à Justine quand elle va arriver. Ben, c'est ça, je suis sûr qu'elle m'écoute. Je suis sûr qu'elle m'écoute en s'en venant comme ça, en courant. Mais peut-être qu'elle ne le sait pas non plus. Peut-être pas. Mais il faut faire des recherches des fois, pour... elle peut pas tout savoir non plus. Mais non, exactement, c'est pas parce qu'elle étudie là-dedans. Dans les érections, c'est ben, connu. Ben oui. Justine étudie fort sur les érections. Si un homme meurt en position verticale, le corps peut finir avec une érection post-mortem. En moins? Ouais. Même si le cœur ne bat pas, la gravité va faire que le sang va s'accumuler dans les jambes. Mm-hmm. Et alors que le sang va se remplir dans les jambes, un peu du reste du sang du corps va être forcé à entrer dans le pipi et ça va lui donner de l'expansion. Oh, hey, ça, je savais pas ça. Moi non plus. Est-ce que c'est pire lorsque tu fais une crise cardiaque en train de faire l'acte? Je sais pas. Comme tu restes de même vraiment tout le temps. La longueur moyenne d'un pénis en érection est de combien, tu crois, en termes de centimètres ou de pouces? OK, moi, j'ai en pouces. En érection. OK. En moyenne. Je veux dire 4 pouces et demi. Wow, j'aurais pensé que tu aurais arrondi ça à un demi-sub, un 6 pouces. Ben, c'est parce que c'est pas tout le monde. C'est ça, c'est pas moyen, ça. Ouais, environ ça. 14 cm ou 5,5. Donc, t'étais. J'aimerais saluer, non, c'est vrai. C'est ça. T'étais à 1 pouce de distance, quand même. Hein? Circonférence de 12 cm ou 4,8 pouces, selon une étude de 1661 hommes. Hein? Quand même beaucoup. Oui, et ça dépend non seulement de la variation de personne en personne, mais aussi de comment on a réussi à se rendre à l'érection. Aha. Ça affecte la dimension. Ah ouais? Ouais. Ils ont tendance à être plus longs après des relations sexuelles comparés à ceux qui ont eu une érection après avoir fantasmé. OK, ouais, parce que c'est pas vraiment la même chose. Non. Ensuite, sentir des choses délicieuses, ça peut augmenter tes sens, ça peut te rendre heureux dans tous tes sens, ainsi que l'engin masculin. Selon une étude, l'odeur de la réglisse noire et des beignes, ça peut augmenter la quantité de sang dans le machin par environ 32%. Hein? Ben ouais. Voyons donc. Si on mélange l'odeur des beignes et des citrouilles épicées, de la tarte à la citrouille, truc comme ça, ça peut augmenter de 20%. On va checker les gars à la cafétéria à midi. Ben, c'est ça. Puis en ce moment, des beignes à citrouille. Il y en a partout. Il y en a partout. La combinaison de lavande et de citrouille est celle qui a le meilleur effet, causant 40 % plus de sang. Ben voyons, c'est quoi? C'est la cannelle qui fait ça? Aucune idée. La clé, donc, vers l'homme, vers son cœur, peut-être par l'estomac, mais aussi par... Hein? Ses pantalons. C'est exactement. C'est ça, et l'odeur. C'est pour ça qu'on dit qu'on gagne un homme avec l'estomac. C'est exact. on appelle ça souvent en anglais un boner. Oui. Une érection, ouais. Mais bon, bien sûr, je pense qu'on est d'accord que l'engin n'a pas d'os à l'intérieur. Hein? Non, c'est vrai, mais apparemment, tu peux le casser pareil. Ouais, c'est ça, de fracture. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais contrairement à la plupart des mammifères, en fait, qui ont un baculum, un os qui leur permet d'aller déposer le sperme. Hein? Ouais. Pour vrai? Des mammifères ont... Mais vous avez pas ça? Non, pas les hommes. OK. Non. Alors, ensuite, l'érection sans fin. Oh! Ouais. Ça doit faire mal à un moment donné, non? Une érection sans fin qui veut juste pas partir, ça dure au moins 4 heures. Oh! Donc, ça a l'air bien amusant, mais non, c'est super douloureux. Et c'est pas nécessairement le résultat d'une stimulation sexuelle. Ça fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas à l'hôpital, non? Puis il te... Il le sent? Ça s'appelle un priapisme. Wow! Donc, c'est une urgence médicale absolue. Ça a besoin d'être traité par un médecin qualifié. Sinon, ça explose. Ça explose-tu? Ça explose-tu, là? Mais une trop grande... fluctuation de ça. Ça devient mauve. Puis... Ouais, c'est ça. Puis quand ça dégonfle, ça fait... comme un ballon. Avec l'enlève. L'engin masculin, le pénis, comme on l'appelle, est en forme de boomerang. Il a peut-être l'air droit, mais grâce à un scientifique qui a fait passer les IRM, hein? Mm-hmm. En fait, il a la forme de boomerang, mais c'est très subtil. On dit qu'en partie, c'est caché par le pelvis, le reste. Ah? À l'intérieur du corps et tout ça. Et bien sûr, on a des gens qui ont l'air d'avoir un plus petit engin lorsqu'ils sont pas en érection. Puis lorsqu'ils sont en érection, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Ouais. Et le pourcentage, le ratio d'avant et après peut être différent chez les gens. Donc, les petits pénis en situation de non-érection, selon une étude conduite en 1988, vont avoir une plus grande augmentation en longueur pendant l'érection que ceux qui ont un pénis plus gros à la base. Oh! Quand même intéressant. Oui. Et on va continuer avec celui-là. C'est quand même assez simple. On va y aller avec rapidement, toujours sur le corps humain, et le scrotum. D'accord. Le scrotum, qui a juste l'air d'être un morceau de peau, hein, mais qui a quand même quelques fonctions assez importantes pour la santé humaine et la reproduction. Les testicules, on sait, produisent le sperme et ne seraient pas protégés et devraient, j'imagine, aller... contre les éléments de la nature si on n'avait pas ce sac-là autour. Le scrotum, donc c'est du génie, nous dit-on. Ah bon, d'accord. Oui, on dit que la raison principale pour laquelle le scrotum existe, c'est pour tenir les testicules à l'extérieur du corps, ce qui aide à garder les testicules plus froids que la température du corps, parce que le sperme est sensible à la température et aux fluctuations, ça aide à les garder plus en santé. Je savais pas. Ouais. Les testicules chauds, hein, ça peut causer des problèmes de fertilité et de santé. C'est bien un testicule, hein? Oui, c'est un masculin. Un testicule. Donc, en gardant la température plus basse, ça aide à protéger ton ADN qui est formé lorsque ton sperme est à l'intérieur de toi. Tu protèges cet ADN-là. Ah! La température va régulariser la hauteur des testicules. Plus le corps est froid, plus les fibres musculaires rapprochent le scrotum du corps. Ben, c'est ça. Ouais, et lorsque la personne est plus chaud, elles vont être plus basses. La personne moyenne, comme on l'a dit tantôt, a un testicule plus haut que l'autre. Et la grandeur et la forme des testicules ne devraient pas vous déranger, à moins qu'on ait un changement soudain dans la forme ou la grosseur. Donc, il faut que vous portiez attention quand même. Toujours. Toujours. Le sperme plus froid va nager mieux aussi. En gardant tes testicules, oui, à une température plus basse, métaboliquement parlant, on dit que ton sperme va nager plus lentement, donc tu vas finir par les conserver. La préservation du sperme est très importante. Ben oui. C'est pour ça que certains ont suggéré d'exposer le scrotum à de l'eau très très chaude ou même à une flamme. Donc, évidemment, il ne faut pas faire ça du tout. Une étude en 2013 sur les méthodes de contraception. Ben voyons, quelle méthode indigène, de contraception de... C'est au Zimbabwe. OK. Tania, où il décrit comment les hommes devaient exposer leurs testicules à de la chaleur plus élevée que la normale, en croyant que ça allait rendre le sperme plus faible. J'ai parce même qu'il pas tombé en ça. De testicules, puis je trouve que ça fait mal, juste à y passer. Ouais. Tu peux avoir un mélanome sur le scrotum. OK. Le scrotum est susceptible au cancer, nous dit-on. Partout où il y a de la peau, tu peux avoir des mélanomes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Faites attention, messieurs. Faites attention si on s'expose au soleil, si on se fait bronzer dans un camp de nudiste, etc. Ensuite, si tu es garçon, en tout cas, ben, hein, ouais. On s'entend sur la définition oui, de quelqu'un ça. Qui a... Si tu as un scrotum. C'est exact. Il y en a qui n'ont pas de scrotum, en fait. Ouais. Ça peut vouloir dire que tes testicules n'ont pas tombé, n'ont pas descendu. Okay. Ça peut mener à de l'infertilité. La plupart des testicules vont finir par descendre, mais des fois, il faut y aller avec une chirurgie pour les faire descendre. C'est chez les plus jeunes, je crois, quand les jeunes garçons. Entre autres, mais ça peut aller plus vite. Ouais. Conditions communes du scrotum, des problèmes qu'on pourrait avoir qui pourraient demander encore une fois une chirurgie, une intervention chirurgicale. On peut avoir des veines du scrotum qui peuvent être... comment est-ce qu'on appelle ça? De la varicocele, j'ai envie de dire en français, ouais. Je sais pas, mais bon. Bref, des veines du scrotum qui peuvent... ça peut affecter en fait ton sperme et ta fertilité. On dit que ça peut faire que tes testicules vont pas se développer correctement. Vont rapetisser, sinon... La varicocele, Mathieu, c'est bien ça. C'est ce que j'ai dit. Exactement. Je ne sais pas comment le prononcer, mais varicocele. Varicocele. Des fois, on peut appeler ça de l'eau sur les testicules. Ah, ouais. Un kiss rempli de liquide qui entoure le testicule et qui cause de l'inflammation du scrotum. Sunboss ou des anormalités, encore une fois, on devrait consulter un médical, ben oui, professionnel médical. Ensuite, technique chirurgicale pour le scrotum, ça a pas mal évolué ces histoires-là. Okay. Ouais, si t'as besoin de chirurgie pour de ces conditions-là, ou une vasectomie, bien sûr, on nous rassure que les techniques chirurgicales ont vraiment évolué depuis des décennies. On dit que le Weill Cornell Medical Center a perfectionné ce qui s'appelle une vasectomie sans scalpel, qui utilise des forceps. Ouh. À la place. Est-ce que tu savais que le contraire d'une vasectomie se peut? J'entends tout ça, ouais. Ouais, et apparemment que c'est vraiment plus douloureux que la vasectomie elle-même. Ah, en même temps, tu sais, t'as pris une décision comme ça, hein? Ouais. Faut que tu en souffres. Ben, c'est ça. Les conséquences. Et puis, pourquoi est-ce que les ramoneurs avaient tendance à avoir un cancer du scrotum? À la fin des années 1700, au début des années 1800, les ramoneurs, les chimney sweeps, comme on appelle en anglais, étaient souvent de jeunes garçons. Ouais. Parce qu'ils étaient assez petits pour pouvoir entrer dans les cheminées. Exact. Hein, et développer un cancer du scrotum à cause du créosote qui se ramassait donc à l'intérieur des plis du scrotum. Ah, ouais? Ouais, bref. On a suggéré à ce que les ramoneurs changent leurs vêtements chaque semaine et lavent leur engin chaque jour, ce qu'on ne faisait pas. C'est dans quel film déjà qu'il y a des ramoneurs? C'est un film de Noël? Je sais pas. Je sais que le band de Ramon, non? Je pense que c'est dans Casse-Noisette. Ah, ben, si tu vois, c'est ça. C'est le cancer du scrotum, aka Casse-Noisette. C'est tout pour cette chronique de son petit palmarès avec des traductions douteuses, mais quand même, on s'en est sorti. Je pense qu'on a compris la majorité de ce que j'ai dit. Oui, faites attention. Je suis pas un professionnel médical, c'est ça. Non, c'est ça. Justement, parlant de professionnel dans son domaine, Justine Renault s'en vient dans quelques secondes avec sa chronique Justine Pertine. Justine, dis-nous bonjour et qu'est-ce qui s'en vient tout à l'heure? Allô? Allô, tire-toi un peu là le matin. Allô? Je suis réveillée depuis 5 heures quand même. Toi aussi? Ouais. On est fantastique, gars. Ouais. On est fantastique. On est fort. On va commencer avec de la bière encore ce matin. Ah non, tu viens de passer comme les 15 premières minutes de l'émission à cause de la bière à ne pas pouvoir être là. Parce qu'on pense. Fantastique. C'est vraiment le fun. Merci de me... C'est les sous-entendus qu'on m'a entendu dire. Seulement des rumeurs. C'est ça. Voilà. On prend une pause et vous retour. Juste c'est le père de récit. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Vous êtes de retour à Assemblage requis avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Moi, okay. Je suis jamais parti, moi. Mais non, t'étais là. Depuis que je suis arrivé. Ouais, je sais. C'est ça. Je suis jamais parti. Tout le long de l'émission, on va faire référence au fait que j'ai manqué un petit bout de l'émission. Oui, hier, c'est aussi. Sûr. Ouais. T'es fait. Bref, cette semaine, ce n'est pas ma semaine pour la digestion, Justine. Ah, ben écoute, il y a toujours des semaines comme ça. Hein? c'est sûr que l'Octoberfest est plus propice pour ça, je pense. Ça doit être ça. Ça doit pour être certains. Ça. Ben pour moi, en tout cas, j'ai le même problème que toi. Ah, pour vrai? Je peux pas prendre une bière. Non, mais c'est ça. Juste c'est ça, une bière. Ouais. Ça nous défait le système digestif pour la semaine. Et voilà. C'est dégueu. De tu que. Il va falloir que je me prenne une coupe de vin à chaque galerie. T'es en train de vraiment faire de la mauvaise publicité pour la suite de ma chronique, toi, là. Ben, je sais, mais tu vas sûrement peut-être me dire pourquoi est-ce qu'on a autant mal au ventre. Écoute, j'ai pas penché sur ce problème-là, sauf que j'avais... Penché et forcé. j'avais un intérêt futur pour parler de tout ce qui est problème cœliaque, problème de gluten, etc., etc. Colorétable. Voilà. Ouais. La vie est belle. Donc, voici Justine Renaud. Non? Oui, et oh, t'es, oui, oui, oui, oh, oui. Tu me pointais, là. Oh, c'est pas poli, ça, pointer le nom. C'est Justine Persin. Alors, toujours dans le cadre de l'Octoberfest, après avoir des maux de ventre à n'en plus finir, après avoir bu vos bières, après avoir couché avec des gens que vous auriez pas dû coucher. Oh oui, on parle vraiment de ça. Salut Eutel, En moyenne, exactement. Wow. C'est ça. Cette chronique se veut donc une continuation de celle que j'ai présentée il y a deux semaines et qui traitait du processus de brassage de la bière. On avait vu les plus importantes étapes, soit le maltage, qui consiste à faire germer et torréfier la céréale, puis la saccharification qui sert à libérer le sucre du malt en mettant celui-ci dans de l'eau chaude, puis suivi de l'ébullition, aussi appelé houblonnage, où le mélange est amené à bouillir et dans lequel on ajoute le houblon, pour finir avec la fermentation par l'ajout de levure qui transformera le sucre en alcool. Cette semaine, on va aborder l'étape finale, c'est-à-dire le conditionnement et la garde, là, toutes les étapes subséquentes, pour ensuite davantage se pencher sur les différentes propriétés des bières les plus connues sur le marché. Donc, au terme de la fermentation, la bière aura désormais vu ses sucres transformés par les levures en alcool et en dioxyde de carbone. Habituellement, on va transférer le liquide issu de la première fermentation dans une deuxième cuve afin de se débarrasser des levures mortes et d'autres débris. Parce que des fois, ça peut conférer des goûts un peu bizarres, puis ça peut aussi favoriser l'apparition de molécules toxiques. Donc, les levures mortes et les débris peuvent contribuer à une certaine toxicité ou à des goûts non désirés dans la bière. Ouais. Fait qu'on parle alors d'une seconde fermentation, lors de laquelle la bière se clarifiera encore un peu, et pendant laquelle on peut également ajouter d'autres agents de clarification, tels que la gélatine ou l'ictiocol, qui est une colle de poisson obtenue à partir de vessie natatoire de poisson. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. OK, donc c'est vraiment pas vegan. C'est vraiment pas vegan. D'ailleurs, pour en avoir une bière vegan, il faut regarder que ces agents ne s'y trouvent pas. S'il n'y a rien d'écrit, c'est qu'elle n'est pas vegan. Hein, et que de la carragénine d'algues soit plutôt utilisée. Ouais. Hein. Parfois, à la fin de cette deuxième fermentation-là, on va vouloir fermenter encore une troisième fois parce qu'ils sont bien zélés, tiens. Mais cette fois-ci... Mais cette fois-ci, dans le contenant de stockage qu'on va faire ça, hein, que ce soit en fût ou en bouteille. Ouais. On parle pas, par exemple, de bière en canne. Les bières en canne, on va pas faire une troisième fermentation là-dedans. Là. Tu peux pas avoir ta Coors Light avec ta petite montagne bleue en canne avec triple fermentation. Là. On n'est pas là. Non, de toute façon. Hein? Fait qu'on a ça la rendrait-tu vraiment meilleure? La Coors Light. J'aurais peut-être dû boire ça, Mathieu, hier. Ouais, j'avoue. Je vais faire une demande spéciale. Hein. C'est ça. Clairement. Donc, on a le choix de transvider la bière telle qu'elle dans les fûts ou les bouteilles, ou bien de la filtrer pour en enlever les levures et clarifier davantage le liquide. Si on opte pour ce deuxième choix, OK, qu'on veut bien filtrer, il nous faudra ensemencer des bouteilles et des fûts de nouvelles levures, parce qu'on est en train de toutes les enlever. Ça peut causer problème si on veut fermenter puis qu'il n'y a plus d'agent de fermentation. Fait qu'on va soit ajouter une culture de levure ou encore s'il ne demeure plus de sucre à transformer dans notre bière, donc si le sucre est complètement absent de notre bière en devenir, il va falloir non seulement ajouter de levure, mais aussi ajouter du mou. OK? Fait qu'habituellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le mou ensemencé de levure de l'étape précédente, puis ils vont en ajouter juste un peu dans la bière. Après quoi, ils vont fermer des fûts, fermer des bouteilles. Et le fait de faire cette fermentation-là dans des contenants hermétiques comme ça emprisonne le dioxyde de carbone dans la bière, qui est habituellement assez flat à la fin du processus de fermentation en cuve. Fait quand on fait la grosse fermentation en cuve, là, qu'on pitch là, toutes nos levures là, dans l'espèce de grosse bassine... Il n'y a pas de bulles rendues là. Ben, les bulles, ils se créent, mais ils partent à la surface du liquide. Donc, on perd toutes nos bulles. Là. Le côté donc, le fun. Exactement. Ouais. Donc, si on veut des bulles dans notre bière, du moins les bières artisanales, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir comme fermer nos contenants hermétiquement, donc une bouteille. Mais il faut ajouter un petit peu de levure, ajouter un petit peu de sucre pour s'assurer qu'il y a une deuxième ou troisième fermentation et qu'il y a justement accumulation et on va trapper le dioxyde de carbone dans notre liquide. Mais il y a beaucoup de producteurs, par contre, qui vont ajouter du dioxyde de carbone en plus de celui produit par les levures. Fait que c'est du dioxyde de carbone en extra. Là. Ouais. C'est le gaz des petites bulles. Là. On va l'ajouter comme à l'extérieur même du processus de fermentation. C'est ça, la micro-gazification, quand il y a des petites bulles dans les publicités. Ils disent « Ah, plus de bulles! » Oui, plus, sont plus petites. Il y en a plus, ça arrive. C'est ça. Mais c'est ça, c'est juste un procédé différent, moins artisanal, mettons. Là. On faisait pas ça dans le temps des trappistes. Là, fait que les fûts dans les bars et brasseries sont pressurisés avec du dioxyde de carbone, ce qui pousse la bière dans le robinet. Donc, on a carbonification qui est extérieure, dans le fond, au processus de fermentation. Et certaines bières, vous l'aurez peut-être remarqué, sont pressurisées avec un mix d'azote et de dioxyde de carbone. Mm-hmm. Savez-vous pourquoi? Non. Non, mais en fait, c'est que l'azote va produire de très, très, très, très, très fines bulles qui résultent en une tête ou une colonne de mousse là, très crémeuse. Fait que, tu sais, là, nos bonnes bières, ben foncé avec l'espèce de tête de mousse très, très, très dense et très crémeuse qui reste là pendant quelque chose comme genre le temps que le Canadien score, dans le fond. c'est-à-dire longtemps. Ben, ça reste super longtemps à cause, justement, de l'azote qui est ajouté à ce mélange de gaz-là. C'est intéressant. On voit souvent les livreurs d'azote et d'autres trucs comme ça à la chasse-galerie avec leur gros baril bleu. Ben, pas baril, mais c'est une espèce de... On dirait une fusée bleue, là, c'est super épeurant. Oui. Puis avant, et là, c'est des nooks! Oui, c'est ça, c'est Kim Jong-un. Quand on avait, dans le temps, à côté de notre émetteur, on avait aussi besoin d'azote. Est-ce que c'était de l'azote? Je crois que c'était de l'azote. Peut-être. Ouais, faudrait que je me renseigne, mais on avait, nous aussi, des fusées comme ça, à côté dans la salle de l'émetteur. Mon Dieu. Ça me faisait peur, mais c'était... C'est un peu dangereux. Il changeait une fois de temps en temps. Là. C'était le même gars qui livrait à la chasse-galerie qu'ici. Je crois que c'était de l'azote. Faudrait que je me renseigne sur qu'est-ce que ça faisait. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment des affaires comme ça ici avant. C'est il n'y a plus ça, là. C'est de l'abus de gaz, moi, je pense. Ouais, c'est ça. On abuse pas. Fait que bon, hein, on va revenir à notre bière. Une fois qu'on la reçoit, d'ailleurs, notre bière, on peut déjà apprécier sa couleur. On voit arriver notre serveur, puis on voit la couleur, puis c'est comme, oh wow, c'est donc beau. Moi, j'aime la bière, tu sais, je peux pas en boire, mais j'aime beaucoup la bière. C'est ça, exact. Fait que ça va de très pâle à très noir, et vous vous en doutez probablement, la cuisson des grains lors du maltage et l'ébullition du moût contribuent grandement à la couleur des bières. Plus particulièrement, on peut compter sur deux réactions chimiques très importantes en cuisine. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, on parle de la réaction de Maillard, hein, peut-être, et la caramélisation, ça c'est sûr que vous m'avez déjà entendu, si vous avez une grand-mère, ceux qui n'ont pas de grand-mère, je suis tellement désolée. Mes condoléances. Et c'est trash, hein? Ouais. La réaction de Maillard, donc, se produit généralement à haute température entre les sucres et les acides aminés, c'est-à-dire les unités qui composent les protéines. Et lors du maltage, la cuisson des céréales favorise donc la réaction de Maillard. En cuisine, on peut être témoin de la réaction de Maillard dans la cuisson de viande. Lorsque, par exemple, la viande devient dorée, brune à sa surface, lorsqu'on la grille, ben c'est ça la réaction de Maillard. Puis la réaction de caramélisation se produit en particulier lors de l'étape d'ébullition de notre mou, lorsque les sucres sont chauffés à une température qui permet leur dégradation en absence d'oxygène. Là, c'est vraiment juste des sucres qui se dégradent. Tout simplement, il n'y a pas de réaction avec d'acides aminés ici. Ceci confère également une couleur brunâtre à la bière. Et si on veut une bière pâle, on va donc limiter la torréfaction des céréales et le temps d'ébullition du mou. À noter que les deux réactions ensemble confèrent également des goûts particuliers aux bières. Oui. On parle d'arômes de café, de chocolat, de rôti le matin, tout ce que tu veux, qui a vraiment comme une espèce de... Des légers goûts de viande brûlée aussi. Jerky un peu, ouais. Exactement. Fait que toute la réaction de Maillard et la réaction de caramélisation diverses étapes vont contribuer non seulement à la couleur, mais aussi au goût. On peut également goûter toutes sortes d'arômes dans les bières. Là. C'est quasiment aussi vaste, sinon aussi vaste que, les, que le monde des vins. Puis c'est pas celle juste en provenance du degré de torréfaction des céréales ou de caramélisation qu'on va percevoir. Il y a des goûts qui proviennent également du houblon qui est ajouté, évidemment. Fait qu'en plus de servir d'agent de préservation, comme je l'avais dit précédemment à la chronique, précédente, le houblon est grandement responsable pour le goût amer des bières que l'on mesure en IBU. Fait quand vous allez dans vos brasseries, là, puis ils parlent de IBU, faible IBU ou un IBU très élevé, là, on parle du International Bitterness Unit. Oh. Fait que ça, c'est des unités là, qui nous permettent un peu de relativiser de bière en bière, là, c'est quoi là, son amertume. Oui, son côté amer. Hein? Ouais, j'ai aussi dit il y a deux semaines que plus le houblon est porté à ébullition longtemps avec le mou, plus la bière sera amère. Mais moins elle va retenir du goût herbacé, citrusé, floral du houblon. Fait qu'on perd du caractère du houblon, là, qui est plus la plante houblon, là. Puis on va y retrouver plus d'amertume, plus le top de la fleur est bouilli avec le mou. Le mou, d'ailleurs, plus tu bois, plus t'as la bedaine. Et en fait, une autre affaire qui devient mou avec le houblon, parce que le houblon, on dit que c'est un anti-aphrodisiaque. Ah, donc sur les érections. D'autres choses deviennent molles. Ah, fait que, sérieusement, là, vous allez sur une date, là, optez pour le vin, pas pour la bière. Effectivement. Surtout pour les lendemains matins, là, ceux qui ont l'estomac un peu plus fragile. Ouais, exactement. Ouais, mettons que t'as mis sur la radio à 7h. Exactement. Fait que certains brasseurs qui vont ajouter également des essences de houblon, d'autres agents d'aromatisation comme des fruits, des herbes, des épices, des écorces, peu importe. Puis il y en a d'autres qui vont complètement enlever l'utilisation de houblon et le remplacer par d'autres herbes là, qui vont jouer à peu près la même fonction. Fait que ça l'univers là, des bières est assez infini, merci. Et petit fait intéressant, le houblon aide à la rétention de la tête de broue par-dessus la bière. Fait que si vous avez une bière puis que l'espèce de colonne de mousse de broue qui s'y forme persiste longtemps, c'est que c'est une bière à laquelle on a ajouté pas mal de houblon. Mm-hmm. Bon, fait qu'on a vu la couleur de notre bière, on a perçu son amertume, puis la prochaine chose qu'on peut goûter, c'est sa force en alcool. Donc, on peut dire que plus une bière avait un mou sucré au début, plus les levures ont pu utiliser cette quantité de sucre-là pour la transformer en alcool. Plus le mou était sucré au début, plus l'alcool va être élevé dans nos bières. Et tel est le cas, à l'inverse, pour une bière qu'on n'aura pas vraiment beaucoup mis en ébullition. Là. Fait que moins le mou est porté à ébullition, moins les sucres sont libérés, puis plus la bière va être, on va dire, une light beer, donc une bière légère, en bas de 5 % habituellement. Mais ça peut monter jusqu'à 12 %. Ouais. Mais la raison pour laquelle ça arrête la quantité d'alcool, là, pourquoi qu'on plafonne à un certain moment donné avec les quantités ça d'alcool? Ça existe pas plus haut que ça. Bien, ça existe, mais je vais vous expliquer. Mais c'est parce que c'est mortel, non? En fait, oui, mais tu sais quoi? C'est mortel pour les levures. Ah, hein? Avec les legumes. Les legumes. Les legumes. Les legumes. Les legumes. Ben, lager, hein, c'est ça? Ouais. Fait que les levures. Ça lager bien comme au début de France. Fait que les levures prennent le sucre. Puis sont un peu connes, tu sais, les levures, ils transforment le sucre, c'est comme nom, nom, nom, nom, puis ils vont comme un petit peu faire des excréments sous forme d'alcool. On adore les excréments de beurre, merveilleux. Et par exemple, l'alcool, lorsqu'elle s'accumule dans le milieu, les levures vont se mettre à être plus capables de transformer le sucre en alcool parce que l'alcool est toxique pour les levures. Fait que c'est pour ça qu'à un certain moment donné, là, mettons une bière normale, une simple fermentation peut aller jusqu'à quelque chose comme genre 4-5 %. Après ça, des doubles fermentations, on ajoute des levures qui sont plus tolérantes ou dans lesquelles on les conserve dans des conditions qui permettent leur survie et donc l'accumulation d'alcool. Ça peut monter jusqu'à une douzaine de pourcents. Et pour avoir des bières de 20, 30, 50, 60 %, là, parce que ça existe en effet, il faut utiliser, mettons pour la 20 %, il faudrait utiliser de la levure de champagne. Ah, donc, la même levure qu'on utilise pour fabriquer le fameux champagne du côté des vins, là, des vins mousseux, on va l'utiliser parce que cette levure-là en particulier a une plus grande tolérance, dans le fond, à l'alcool. Puis, pour aller vers 30, 40, 50 %, ça, c'est des moyens où ce qu'on a pris des levures qui sont quasiment génétiquement modifiées. C'est ça, j'allais dire, la culture, c'est du botanisme. Botanisme. Exactement. Fait qu'on est rendu loin. Puis il y en a des fois qui aiment le terme anglais, on dit spike, qu'on va ajouter dans un le fond un whisky quelconque aux bières. Puis là, ça augmente évidemment le pourcentage en alcool, mais tout ça, c'est pas comme... mauvais, ça. Non, ça doit vraiment être bon, d'ailleurs. Fait que j'ai parlé un peu du pourcentage d'alcool. Tout ça, ça vient un peu avec le type de levure qu'on va utiliser. Le type dominant de levure qu'on va utiliser, j'en ai déjà parlé, c'est ceux qui fermentent par en haut, qui sont d'ailleurs des levures qui sont à plus haute température. Donc, on avait parlé de fermentation haute et fermentation basse. Fermentation haute, c'est à plus haute température. Et en plus, les levures sont au-dessus du mélange. Ils vont vraiment se retrouver au-dessus du liquide. Tandis qu'à la fermentation basse, c'est de plus basse température. Et les levures vont se retrouver en bas de notre cuve de fermentation. Et tout ça, ça ajoute également une autre dimension au goût en tant que tel. On peut retrouver dans les fermentations basses des goûts plus fruités un peu. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans les... quand je vais la retrouver, la lager, qui est fermentée, qui est à fermentation basse. Donc, les lagers, les pale lagers, on a tout ça ensemble. On a, dans le mot pale lager, on a pâle. Donc, on sait également que c'est des lagers que les maltes et l'ébullition sont faiblement procédés pour avoir le moins possible de réaction de maillard et le moins possible de caramélisation. On a d'autres types de bières également. La pale ale, qui très connue, qui, elle, est plutôt issue d'une fermentation haute, donc les levures qui sont au-dessus, et c'est un des plus importants types de bières au monde. On a les stouts, les porters, les bières vraiment foncées. On avait parlé tout à l'heure de maltage et d'ébullition très élevée et très longue. Donc, les stouts, porters, puis les bières foncées vont avoir cet aspect-là, dont les porters baltiques, dry stout, imperial stout, etc. C'est tous des mots que, genre, on a déjà entendu. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, ouais, je vais vous parler d'imperial stout. Je ne savais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça, ça veut dire. C'est des types de... des différents types de bières. On a aussi un autre type de bière qu'on appelle le real ale, à l'inverse de, mettons, le pale ale ou le medium ale. Fake ale. C'est le real ale. Puis pourquoi qu'on dit le real ale, c'est parce que ce sont des bières qui n'ont pas été filtrées, qui ont passé par un processus de maturation de seconde fermentation et qu'il n'y a jamais eu de deuxième source de dioxyde de carbone qui a été ajoutée à ces bières-là. Donc, on parle de real ale. Et finalement, le dernier type qu'on peut voir des fois, c'est les lambics. Oui. Avez-vous déjà vu ça? Lambic, en fait, là, il s'agit de des levures qui sont dans l'environnement, donc dans notre moue et dans l'atmosphère, qui vont se déposer au niveau de notre moue et faire la fermentation. Donc, on n'ajoute pas de levures. C'est vraiment les levures qui chillent un peu dans l'air qui vont venir causer la fermentation. Donc, c'est un processus expérimental assez incertain pour les lambics. Et souvent, on va retrouver d'autres organismes comme les lactobacillus qu'on retrouve aussi dans les yogos. Et ça va conférer un espèce de petit goût surette. C'est ça, le petit goût surette à notre bière dans les lambics. Est-ce que tu peux faire comme... tu sais, il y a des animaux qui mangent des graines de café puis les renvoient. Après, tu peux faire du café avec ça. Tu peux pas faire ça avec la bière. L'enfant mange la levure. Peut-être avec les grains d'orge. Peut-être. Je pourrais me lancer là-dedans, financer mes études, manger plein d'orge et vendre ma marde. Là-dessus, on va retourner dans les années 90. 90. Dans mon enfance, où j'écoutais Brandvan 3000. À un moment donné, des titres de chansons avec le mot bière dedans, il n'y en a pas. Pas hein? Fait que, on écoute tout de suite la fameuse Drinking in L.A. Ah, super. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a former rock four. We'll see about that. Give us a ring, ding, ding. It's a beautiful day. Todd, this is Liquid, ring-a-ding-a-ding-in. I want those three Brand Van tickets, man. What do you think? Todd. It's a mic. diviseurs d'images, fils. Ouais, je lève mon verre à ceux qui croient plus en rien, à ceux qui chaque matin s'étirent dans le brouillard et piquent du nez dans un café noir, à ces ombres rouges rubis, à ces derniers levées de soleil qui n'ont pas de prix, esparvés, nappés de groseille, ouais. À ces femmes qui au réveil ne sentent rien sous leurs mains, ces mômes armés de fusils en treillis qui ne pensent pas à demain. Je lève mon verre à ceux qui dorment sous des tôles par-ci par-là, et à tous ces morts de luxe qui pourrissent dans des villas. Je lève mon verre à la naissance d'un gosse qui remplit une fosse, à ces crosses qui servent souvent de hocher ceux qui endossent la connerie de l'autre et se vautrent sans rouchigner. Comme un pigeon résigné, pleurant qu'il n'a pas fait exprès. À ces pères qui se crèvent le cul pour leur physique du shit. Et ceux qui ne voient pas leurs francs violer les vierges veines de leurs filles. À toutes ces villes fantômes tachées de corbeaux, œuvre d'un crétin hors norme. Allez, je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à l'homme. Je lève mon verre à ceux qui roussissent au cagnard blindé, ceux qui croupissent à l'ombre coincés, ouais, derrière une porte blindée. À ceux qui savent mais la ferment, ces vérités sans oxygène, ces libertés par des chaînes et ce ventre poli qui se déchaîne. Ces poches troncs au comptoir, le regard comme leur jour terne, ces sourires en costume qui tuent pour remplir une citerne. À ceux qui ne voient pas la mort autrement qu'au combat, à celui qui croit qu'il s'en sortira, la chance sourit à ceux-là. À tous mes potes présents et à ceux déjà partis, à tous ceux qui n'ont pas voulu jouer par peur de perdre la partie, à ces secrets sourires qu'on garde enfoui au fond de sa tête, qu'on calme à coups de fumette, ouais, chaque fois que le relent guette. Ses cœurs touchés, ses corps couchés, ses âmes fauchées comme un blé trop vert. Maudit soit les moissons de la colère, mon verre. Je le lève aux rumeurs, ouais, enivrantes qui envoûtent l'esprit d'un crétin en norme. Allez, je lève mon verre à l'homme. À tous ces gouvernements pourris, à tous leurs suicidés, à tous ceux qui sourient bêtement, à toi qui jette les dés, même si des fois certains s'écrient, ça y est, c'est décidé, cette fois je le fais. Je lève mon verre à ceux qui n'ont pas le cul béni par les fées, à ceux qui se lebrancent au soleil, qui font leur pays des merveilles, et ceux dont le fiel est rempli d'un désir puissant de faire pareil. À toutes ces mères qui ne savent que trop bien, pour avoir veillé la veille, que sur notre bonne vieille terre, rien n'est plus cher que l'oseille. À toutes ces palafres au sucre qu'une note salée laissera, et la mère absence qui exulte dès qu'une moitié s'en va. Je lève mon verre à ces poches trouées par les doigts et saines trouées par le poids des sous, ceux qui ont toujours eu le choix. À toutes ces pensées errantes qui n'enfantent que dans la souffrance, à ces immenses crétins qui nous appellent la souffrance, à ceux qui relativisent bien, à ceux qui m'en veulent, ouais, que ceux-là réfléchissent et disent bien. Je lève mon verre à ces troncs tendres dans leurs écorces de pierre, et à ceux qui en prennent plein les dents et malgré tout les serrent, à ces cinq vides en plein, à ces cartons par terre, à ceux qui partent pour des diamés qui reviennent avec du verre, à ceux qui se croient au paradis et qu'ont les poils qui crament abusés. Ce nectar de la vie que la mort, c'est qui d'âme qui aime en user, à ce bon vieux bitume d'où naît le flash qui nourrit ma plume et vos yeux. Je lève mon verre à l'homme. Ouais, au manque de neurones, fils. Et faut pas que ça t'étonne. C'était Shuriken avec Je lève mon verre. Avant ça, on avait Brand 23000 avec Drinking in LA. Donc, on s'en doute pas que j'ai le coude léger ce matin et qu'on boit à la santé du Oktoberfest. Et c'est ce qui conclut d'ailleurs ma chronique, deux chroniques successives à deux semaines d'intervalle. La semaine prochaine, les saucisses, non? Non, pas de saucisses. Je sais pas. J'avais dans le goût de faire une chronique sur la vaccination pour me rendre compte que j'ai pas grand tune, hein, qui non, parle de vaccination. Tu feras pas l'Halloween? Faire l'Halloween. Non, mais comme chronique. Écoute. Ça va être le 31. Ça va être le 31. Quel poids. Je vais parler de sang. Oh. De... Wow. Je vais parler de choses gore, probablement. Glauque. Un petit peu, oui. Mm-hmm. Voilà. Le burlesque de la chose, ouais, du corps humain, probablement. Justine Renoir. D'accord. Non, merci. Non, non. Merci, Justine. Un plaisir. Est-ce que tu as repris ta gomme? On t'entend manger ta gomme. Ma gomme a toujours été dans ma bouche. C'est juste là qu'on l'entend parce que probablement. T'as fait ta chronique au complet avec ça. Oui. T'es vraiment bonne. Oui. Mais d'habitude, quand je parle justement, je ne mâche pas. C'est ça. Je mange pas mes mots. On te retrouve dans deux semaines, donc le 31 octobre. Oui, sans gomme. Merci, Justine. Plaisir. Au retour, ce sera Marc-Olivier Dumas. Marc-Olivier, est-ce que t'es prêt d'un micro? Je pense que oui. Qu'est-ce que ça va être, Marc-Olivier? Qu'est-ce que je vais parler? Ouais. Ben en fait, tu te souviens du match Carabin-Stingers que, ouais, je t'ai parlé deux fois déjà? Ouais. Eh bien, on l'a tanné un petit peu, mais bon. Ouais, mais c'est à cause que le sujet n'est pas encore clos. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu des développements la semaine dernière, donc on va encore en parler trois semaines plus tard. Donc, ça va être un des sujets. Peut-être un petit peu le Colisée de Trois-Rivières pendant qu'on est en campagne électorale. Mm-hmm. Pourrait t'intéresser un petit peu. Cool. On en parle dans la chronique Sport et Filoché dans quelques instants. Restez là. pour l'écouter. 89. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 17 octobre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Ponte. Il est 8h07 en ce moment. Dans quelques instants, ça va être la chronique Sport et Filoché. Oui, tout à fait. Mais avant ça, on a le temps pour une chanson du palmarès. On aime ça. Aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de place. Non, c'est ça, exactement. On va en profiter là. Profitons-en. Avec Rudy Bernard, voici Vanity Song. Réflexe subversif, c'est pas vitif. Esthétique, magnifique, dans le miroir magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. Et de libertinage dans la nuit sauvage. Angélique, le classique, capristique et délique, des éclats sardoniques, kaléidoscopiques. Enchanté, bariolage, trimage, maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Aide-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire. Admire et emmène-moi loin d'ici. Miroir, miroir, c'est ce soir. Capture-moi, fais-moi Julie Bernard et Vanity Song dans Assemblage Reiki ce matin. Et maintenant, c'est Sport et Filoché. Sa batterie quand même, Marc-Olivier Dumas. Pas pire. Tu l'as bien, la fin. Non, c'est Sport et Filoché. Marc-Olivier Dumas qui est là pour nous parler de sport universitaire, locaux, régionaux, provinciaux, nationaux. Peut-être un petit peu moins nationaux. Pour l'instant, là, je veux dire, quand on va approcher des Jeux olympiques, c'est peut-être ça. Un peu plus, parce qu'on se souvient que c'est une année olympique qui... Ben, cet hiver, en fait. C'est vrai. Et ça, c'est plus proche, parce que l'hiver est comme... Tu sais, l'été, c'est aux 4 ans, tu sais, l'hiver aussi. Fait que il y a l'air plus proche, vu que c'est l'hiver, au lieu d'être l'été. Fait que c'est un an et demi de distance. Oui, environ, c'est ça. C'est des épreuves complètement différentes. Ouais. C'est pour deux genres de partisans, au final. Mm-hmm. Moi, en tant qu'amateur de sport généraliste, je vais dire ça comme ça, je suis excité autant par les deux... Jeux olympiques. Seul petit bémol que je mets sur les Olympiques d'hiver, par le passé, ça va peut-être être moins le cas cette année. Habituellement, on mettait un petit peu trop d'accent sur le tournoi olympique de hockey. Au Québec surtout. Surtout au Québec. Puis avec les joueurs de la Ligue nationale, je peux comprendre, c'est ça que le monde veut voir, mais étant donné qu'il n'y aura pas de joueurs de la Ligue nationale, mais peut-être que les journalistes vont mettre un petit peu moins d'accent sur ce tournoi-là. Et un petit peu plus... C'est naïf un peu de penser ça, je pense. Peut-être que je rêve en couleur, peut-être que je suis au pays des licornes, mais j'aimerais ça qu'on regarde d'autres sports, parce que patinage et vitesse, longue piste surtout, là, c'est tellement... C'est impressionnant. Je trouve ça dommage, les Jeux olympiques d'hiver sont moins faciles à regarder, étant donné, on dirait que c'est plus, tu sais, c'est dans le début du mois de janvier, on dirait plus que l'été, des fois, c'est plus mollo, un peu plus facile à regarder, je trouve, l'été. Mais bon, ça dépend de votre emploi du temps. Je veux dire, à quoi tu penses que ça sert des cours? Regarder les Olympiques dans les classes? Non, j'ai pas de ça. Non. Eh ben, je donne pas de ça. Travaille très fort. Avant la semaine de travaux et d'études, là. Où on n'aura pas de chroniqueur, on va se préparer à 3h de contenu. Pas une semaine de relâche? Non! C'est pas techniquement une semaine de relâche. Pas en octobre. Non, c'est une semaine de travaux et d'études et j'ai quand même deux examens au retour. Ouais! On te souhaite bonne chance. Parlons de sport! Oui, niveau sportif, j'en ai déjà parlé deux fois de ce match-là. Ça s'en vient une saga, on va se le dire. Vraiment. Le match entre l'Université de Montréal et les Carabins et l'Université Concordia, les Stingers. On remet ça en contexte un petit peu, là. Hein? Oui, il devait avoir lieu il y a maintenant deux semaines. Pour être exact, le match devait avoir lieu le 5 octobre dernier. Mm-hmm. Donc, Montréal, les Carabins recevaient les Stingers et ils étaient aux prises avec une épidémie de gastro-entérite. Ouais. Donc, à cette raison, les Carabins ont tenté de déplacer le match au lundi soir, le lundi, qui était l'action de grâce. Donc, ont tenté de déplacer le match, ce qu'elle donnait pas avec les Stingers. Sur le coup, la première décision, c'est que Montréal perdait par forfait. Ouais. Par la suite, on a décidé de changer. On a décidé, parce que c'était quand même une situation qui était... Exceptionnelle. On a décidé qu'on cancellait le match tout simplement. Donc pas de points pour personne. Pas de personne a de points. Et on annule le match. Les équipes vont être différenciées au classement selon leur pourcentage de victoire et de défaite. Ouais. Ce qui n'avantage en rien Montréal. Ce qui avantage Concordia, mais qui désavantage certaines équipes comme Sherbrooke. Ah. Donc, suite à ça... Ça a chiolé un petit peu. Et il y a trois équipes qui ont fait appel par rapport à cette décision-là. Mm-hmm. D'abord, Montréal a fait appel parce que pour eux, c'est injuste que ça soit... Ils n'ont pas demandé d'avoir la gastro, là. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas demandé, mais pour eux, ils trouvent ça injuste parce que ça les pénalise face à l'Université Laval en cas de défaite bientôt. Là, si Montréal gagne, pour eux, il n'y aura plus d'enjeu, mais il faut qu'ils gagnent à Québec, ce qui n'est pas chose faite. Je me souviens pas la dernière fois que le Rouge et Or a perdu à domicile en saison régulière. Ça doit faire plus d'une dizaine d'années, en fait. Donc, les Carabins ont porté appel, les Stingers et le Vert et Or de l'Université Sherbrooke ont fait appel à cette décision. Là, vous allez me dire pourquoi le vert et or, mais le vert et or sont aux prises avec une course aux éliminatoires face à Concordia, justement. Ils tentent tout ce qu'ils peuvent tenter pour réussir à avancer un petit peu, ça? Ben, ils sont complètement désavantagés par ce match annulé-là, parce que si Sherbrooke réussissait à finir 3-5, ce qui n'est plus possible maintenant depuis qu'ils ont signé une sixième défaite, mais si Sherbrooke avait fini 3-5 et Concordia finissait 3-4, bien Concordia est avantagé en raison du pourcentage de victoire et de défaite. Donc, Sherbrooke était complètement désavantagé, ou encore McGill, présentement, serait désavantagé. Eux autres, qui sont à une victoire, 5 défaites, ont encore une chance de faire les éliminatoires. On joue contre Sherbrooke et Montréal du côté de McGill. Mais ça vient complètement les désavantager face aux autres équipes. Donc, on n'est pas d'accord avec ça. Montréal, bon, pour les raisons que j'ai dit, et Concordia aussi, on souhaite la victoire dans ce soir-là. Et si vous voulez mon avis, dans ce soir-là, c'est qui... Il n'y a pas de méchant, parce que tu sais, il y a la gastro-entérite. Mais moi, ce qu'on m'a appris dans la vie, c'est que quand tu annules un match, peu importe la raison, c'est que tu assumes le fait que tu déclares forfait. C'est ça. Je veux dire, c'est pas... C'est dommage, mais... Montréal se défend en disant que, oui, mais on a essayé de reporter le match à lundi. Les Stingers n'ont pas voulu, donc les Stingers sont les méchants dans cette histoire-là. Mais dans mon livre à moi, le match est assidu jeudi. Jeudi, vous pouviez pas parce que, bon, vous aviez gastro. Ouais. C'était un coup de force majeure, je suis d'accord. Vous avez proposé lundi, mais ça donne pas. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas leur prendre à n'importe quelle autre date? Il reste pas de date, c'est ça le problème. Il reste pas de date. Dans la vie, là, le monde se termine, là. Il reste 2 semaines à la saison, ensuite c'est les éliminatoires. Faites si un programme double, quelque chose, je sais pas, non? On peut pas au football. Au football, ça prend au moins 5 jours de repos entre 2 matchs. Ouais. Et bon. Si c'est arrivé plus tôt dans la saison, on aurait pu leur prendre. On aurait pu bouger le calendrier, faire de quoi. Mais là, on peut plus leur prendre, il est trop tard. Et étant donné, à mon avis, que Concordia ne pouvait pas lundi, tu sais, Montréal a quand même fait des efforts pour replacer le match. Mais Concordia, c'est pas à eux. Le match est cédulé là. Ils ont le droit d'avoir autre chose et de ne pas pouvoir une autre date. C'est sûr. Le match est jeudi, donc pour moi, c'est une défaite de Montréal par forfait. Ben oui, ben oui. Qu'ils se fassent une petite game de NFL Blitz, là, puis qu'ils règlent ça à l'amiable. Pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Ça existe encore? Y'a-t-il un jeu de NFL que je connais pas? Ben, y a encore des jeux Madden. The game. NFL The game. Y a encore les jeux Madden qui sortent à chaque année. C'est MLB The game. C'est EA qui fait ces jeux-là. Ouais. Madden 18, c'est bon. Oui, c'est ça. Comme les NHL, là, c'est toujours l'année en cours. Une révolution à chaque fois. Oui, totalement. C'est révolutionnaire à quel point qu'ils réussissent à aller chercher plus d'argent dans nos poches. C'est ça, la révolution. Bon, bref, fait qu'on aura plus, j'espère, à parler de caca à chaque semaine à cause de cette nouvelle-là. Ça va faire. En fait, la décision devrait être prise aujourd'hui même. Ah, oh, fait que oui, on va en parler de la semaine Donc, prochaine. Donc, le comité d'appel se réunit aujourd'hui, 17 octobre, et rendra sa décision ultérieurement. Donc, ça devrait venir dans les prochains jours. Donc, probablement qu'on va en parler soit à mon émission, jeudi. Oui, jeudi matin. Matin à 11h. Exact. Ou on va reparler mardi prochain. Le comité d'appel qui va te pelleter une pelletée de. De mort. Aïe, aïe. Aïe. Mathieu, comment? Ça. Pour ceux au nouveau football, les Diablos de Trois-Rivières avaient un match, un gros match, grosse commande la semaine dernière face au Cégep Édouard Montpetit. Eh bien, petite volée qu'ils ont mangé. 55-14 la défaite des Diablos. Diablos qui sont quand même à 4 victoires, 2 défaites. C'est quand même une fiche très respectable. Ouais. Et on peut d'ores et déjà leur assurer une place en éliminatoire parce que ni Thetford ni Beauce Appalaches ne seront capables de rattraper Trois-Rivières, même si Trois-Rivières perdait ses 2 matchs suivants. Ils finiraient avec une fiche de 4-4 en cas de 2 défaites, alors que Thetford et Beauce Appalaches seraient à 2 victoires, 6 défaites. Donc, pour Trois-Rivières, on peut déjà dire qu'un petit X à côté de leur nom, on fait les éliminatoires. Oui, c'est bon. Maintenant, la et question... Prenez votre modium. Oui, mais la question maintenant à savoir, c'est est-ce qu'on va avoir un match à domicile ou pas? Seules les 4 premières équipes ont un match à domicile et Trois-Rivières présentement sont au 5e rang, mais à égalité avec Édouard Montpetit et Lionel Groulx. Donc 4 victoires, 2 défaites chaque équipe. Et Lionel Groulx sera en visite cette fin de semaine. Donc c'est un match très important pour les Diablos. Une victoire pourrait pratiquement leur assurer d'au moins un match à domicile en éliminatoire. Et on sait qu'au football, les matchs à domicile, c'est très très avantageux. Ouais. Surtout s'il y a beaucoup de monde qui viennent faire du bruit, viennent encourager les Diablos en éliminatoire. Ça pourrait faire toute une différence entre manger une volée, encore une fois, ou peut-être s'en tirer avec une victoire un peu plus serrée. Donc, ouais. On souhaite bonne chance aux Diablos. C'est cette fin de semaine, c'est le 21 octobre, donc samedi. Ceux qui veulent y aller, il y a toujours des billets, c'est pas cher, c'est le fun, c'est du bon football quand même. Belle place. Belle place. On voulait faire jouer les Patriotes là aussi. Ouais, ben oui. Mais non, hein. Mais non, pas d'équipe. Pas d'équipe. Pas d'équipe, pour l'instant. Ouais, ben tu sais, on dit ça souvent pour l'instant. À date, il se passe pas grand-chose là-dedans, mais bon, on verra. On verra bien. Donc, ça fait le tour pour le football. Niveau hockey, j'avais hâte d'en parler un peu. La saison qui a débuté la semaine passée officiellement contre McGill, on se souvient, une petite défaite de 3-0. On s'est quand même bien battu dans cette défaite-là. C'est 3 buts en troisième période, mais Patriotes qui ont dominé au niveau des lancers au but. Donc, quand même une bonne entrée en matière, surtout contre une des puissances de la Ligue. Eh bien, c'était l'ouverture locale la fin de semaine dernière, vendredi et samedi dernier, contre Nipissing, les Lakers de Nipissing. Et ces deux victoires que les Patriotes ont signées, d'abord, le premier match vendredi, c'est une victoire de 4-3 en prolongation. Un match qui était très, très serré, très enlevant, serré jusqu'au bout. On en a eu pour notre argent pour ceux qui ont été au Colisée. Colisée qui est un peu désuet d'ailleurs. Hein? Ouais, ah. Mais c'est une des plus grandes foules que les Patriotes aient jamais eues. Il y avait 700 personnes dans le Colisée vendredi soir. Quand même. Ben pour un match d'ouverture, c'est bien. J'ai déjà vu des 1000 lors des matchs des carnavals, par exemple. Oui, oui, c'est sûr. Mais là, on parle d'une ouverture à grandeur, là, pas juste avec les étudiants. Tu dis que la salle fait dur. Est-ce que ça dérange quand tu regardes un match? Comment est-ce que ça t'affecte? Mais là, personnellement, j'ai vu de quoi qui m'a peut-être dérangé un peu plus sur les web diffusions. C'est qu'il est rendu avec tellement de publicité sur la glace que tu perds. Ah ouais, OK. Ils ont pas mis à des places stratégiques, c'est juste... Ben, ils mettent plus tard des places stratégiques, comme dans le cercle de mise en jeu, genre une pub de McDonald's. Là, mais ouais. Pour vrai, moi, à un moment donné, quand il y a trop de pubs, ça me dérange. Là. Tout à fait d'accord. C'est de quoi que je vais parler justement à mon émission jeudi. Là. On va parler de la publicité sur les chandails de sport et un peu partout. Les voitures de course, il y en a beaucoup, ça. Ben oui, oui. Mais trop, c'est comme pas assez. À un moment donné, ça me décourage complètement, puis ça me donne le goût des boycotter complètement. Ouais. Quand c'est rendu, tu sais, on nous pitch de la publicité partout. Et... On comprend qu'ils veulent faire de l'argent, mais qu'ils chargent plus cher à moins. Ben, ça peut sûrement payer plus cher pour aller voir un match de hockey. Non, je parle pour les compagnies qui achètent de la publicité, qui leur vendent plus cher, mais qui en aiment moins. T'sais. Ben, c'est trop, là. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est le sport aujourd'hui où c'est qu'ils font de l'argent, c'est avec la pub. Mais les publicités qui se retrouvent sur la glace du Colisée n'appartiennent pas aux Patriotes. Non, ça, je sais, ils appartiennent vraiment au Colisée. Ouais, ou c'est même ça. Au Draveur. C'est ça, les Patriotes font pas une scène avec ces publicités-là. Et tu sais, c'est pas les Patriotes que je reproche dans cette histoire-là, mais veux pas, le Colisée il est rendu complètement laid. Je veux dire, la patinoire est plus blanche. Là. C'est rendu rouge par certaines places. Ouais. On se croirait dans une Ligue d'Europe. Ouais. OK. Bon. Tania sait un peu de quoi je parle. Les chandails qui sont bourrés de pubs, tu sais même pas c'est quoi le logo de l'équipe. C'est de la pub partout, tu fais comme... C'est de la pollution visuelle. Exactement. Ouais. C'est pas de meilleur mot. Donc, les Patriotes qui ont une fiche maintenant de 2 victoires et 1 défaite. C'est quand même bon début de saison, considérant qu'on a joué contre McGill. C'est présentement bon pour le 3e rang, tout juste derrière l'Université Queens et McGill. McGill qui a 3 victoires, 1 défaite, donc 6 points depuis le début de la saison. Du côté de la Ligue junior majeure du Québec, eh bien, les Cataractes ont signé leur première victoire. Ouais, finalement. Donc, une victoire de 6-3 face au Tigre de Victoriaville le 13 octobre dernier. Eh bien, c'est la seule victoire qu'on peut parler. Pardon, 2 victoires. Il y a... Non, j'ai rien dit. Non, juste une. Juste une. Tu vois double. Oui, je vois double. Il espère. Ah oui, non, c'est ça. Non, je me trompe pas. 2 victoires. Bon. Donc, 6-3 contre Victo et le lendemain soir, 4-2 contre Victo encore. Donc, les 2 premières victoires des Cataractes. Bravo. On va célébrer. Fallait être patient, mais faut pas rêver à avoir énormément de victoires cette saison parce que des Cataractes, avec les différents joueurs qui sont partis pour la Ligue nationale, par exemple Samuel Girard, non pas celui qui anime à la radio, mais... Pas celui-là. Son frère d'une autre mère et de notre père et d'une autre famille complètement. Son frère de nom. D'une autre lignée génétique. Mais c'est comme il y a un Samuel Girard aussi en patinage de vitesse qui va peut-être gagner une médaille d'or aux Olympiques. C'est pas le même au hockey puis au patinage artistique, donc les deux sont patinage sur patin. Patinage de vitesse. Ouais, ben bon. Mais c'est deux Samuel. C'est pas la même chose. Ben oui. Donc deux Samuel sur patin. Oui. Tu peux même pas dire genre Samuel Girard à patin parce que c'est... il y en a déjà deux. C'est ça. C'est ça. Plus Samuel Girard à la radio. Oui. Fait que... À Potin. Il devrait faire une émission de Potin. Comme si t'aurais Potin. Il devrait l'appeler Samuel Girard ici. Mm. Ouais. Il fera juste des émissions sur les Samuel Girard. Ça serait bien. Au moins une chronique, là. Faut pas en peur. Au moins une chronique. Bon, une chronique. Samuel Girard ici. Ça pourrait être drôle. Et là, il raconte tous ses faits d'armes ou les faits d'armes des Samuel Girard. Mais à date, ton idée d'une grosse pinte à l'adresse, on l'a exécutée. Fait que si tu nous amènes ça, le Samuel Girard ici, on va le faire, tu sais. On est de même. On est ouvert. Oui. Toujours ouvert. Toujours ouvert. Donc, pour le hockey, ça fait le tour. Niveau. Bon, il y avait une compétition de cross-country lors de la dernière fin de semaine. Mm-hmm. C'était l'Université Carleton qui recevait cette compétition. C'est une compétition qui était interprovinciale, mm-hmm. interconférence, devrais-je dire. Et beaucoup d'universités étaient présentes au classement par équipe. Laval, Carleton, Ottawa, McGill, Montréal, Concordia, Sherbrooke, RMC et Trent étaient présents, donc c'est dire que les Patriotes n'avaient pas assez de coureurs pour se qualifier au niveau féminin. C'est bien ça. J'essaie de regarder en même temps les résultats, c'est pas toujours facile. Et je cherche des coureurs des Patriotes qui... Je les vois pas, en fait. Mais je pense que du côté cross-country, il y a tout le temps un petit peu de demande au niveau de l'équipe des Patriotes. Si oui. Je ne m'abuse, on est tout le temps en recherche. Donc, si jamais ça vous intéresse... Hein? Ben oui, c'est de la course extrême. Rendre les pédestres extrêmes. C'est ça, exactement. Oui, c'est quand même un sport là, pour ceux qui font de l'athlétisme. C'est un sport qui est quand même très exigeant. Là. Ouais. On parle de courses de 8 et 10 km cette fin de semaine. 6 et 10 km, pardon. 6 du côté féminin et 10 du côté masculin. C'est quand même des courses qui sont assez longues à faire. Et même sur un 10 km, le temps du vainqueur, 19-22, mm-hmm. c'est excessivement rapide, là, on va se le dire. Là. 19 minutes 22. Et bon, Lupita, je pense qu'il... Je les trouve pas, donc ils n'ont probablement pas participé à cette course-là. Bon. Je vois un représentant de l'UQAC, tu sais, part quand même de loin pour participer à cette course-là. Mais c'était quand même une course qui était interconférence, donc c'est possible que les Patriotes ont décidé de... Tu sais, c'est quand même des frais se rendre à Ottawa. Ouais. Donc on a probablement décidé de juste laisser tomber cette course-là cette semaine. Il va rester les championnats provinciaux au Parc Maisonneuve de Montréal samedi le 28, donc pas cette fin de semaine, la fin de semaine prochaine pour ceux qui se sont qualifiés. Et par la suite, le 11 novembre, c'est les championnats canadiens universitaires à l'Université Victoria. C'est un petit peu loin. Oui, ben oui. C'est des 8 et des 10 km respectivement pour les deux courses de championnat. Au moins, on peut se rendre à pied quand même. Non, c'est ça, en effet. T'es sûr? T'es mollet mort. T'es sûr? Je sais pas. J'ose espérer pour eux. C'est peut-être ça, la course. C'est peut-être ça. C'est rendez-vous. Avez-vous vu le color ta course? Oui. Qu'il y a eu dans les derniers jours? C'était... Ouais, dans les derniers jours. J'ai vu David Ferron, disons, campus a participé. Ouais, d'ailleurs, ouais. J'ai vu ça ce matin. Sa photo est sur Facebook. Exactement. Il a l'air du Joker. Vraiment. Fallait que je lui dise. J'ai vu les photos, mais j'ai pas porté... Ces trucs de course avec de la poudre de couleur partout. Ouais. Ouais. Oui. Mais c'était pour la prévention du suicide, donc une course quand même très intéressante. Je sais pas combien qui ont réussi à lever en fond, mais très intéressant, très beau projet de la GEQDR, oui, en fait. Absolument. Donc pour ceux qui ont participé, félicitations pour votre participation à cette cause-là. Bien dit. Ensuite, du côté du soccer masculin, les Patriotes avaient un seul match cette fin de semaine, c'est contre les Redmen de l'Université McGill. C'était au stade Percival Molson et l'UQTR a remporté un match à très haut score, une victoire de 5-3, ce qui leur confère présentement le quatrième et dernier rang qui donne accès aux éliminatoires. Donc maintenant une fiche de 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls. C'est autant de points que McGill, mais McGill a joué un match de plus, une défaite de plus. Donc il reste pas beaucoup de matchs à la saison, il reste 4 matchs. D'abord contre les Carabins de Montréal au stade Gilles Doucet cette fin de semaine. Ensuite, on joue contre... pardon, c'est contre Sherbrooke vendredi à Sherbrooke. Contre les Carabins dimanche au stade Gilles Doucet. Mm-hmm. Ensuite, vendredi, la semaine suivante, c'est au stade Saputo sur le terrain synthétique. Donc, c'est pas le vrai stade Saputo. Là, c'est mm-hmm. un stade qui est juste en périphérie. Et on termine la saison face aux Stingers de Concordia. Donc, 4 matchs à jouer. C'est le sprint final, à savoir si les Patriotes vont réussir à se qualifier pour les éliminatoires. Quelques matchs difficiles, d'ailleurs contre celui contre Montréal. Sherbrooke, ça devrait être un match qu'on ne peut pas perdre. Il faut absolument aller chercher les 3 points contre Sherbrooke. Montréal, si on peut aller chercher un point, ça serait très, très bien. L'UQAM, ça risque d'être très difficile aussi. Et là, là, hein? Ils ont une fiche quasi parfaite. Hein? Non, c'est Montréal, la fiche quasi parfaite. Oui. L'UQAM, 5 victoires, 3 défaites, 1 nulle, mais c'est Montréal, 9 victoires c'est ça. en 9 matchs. Donc, deux matchs qui s'annoncent plutôt difficiles et on termine la saison contre Concordia. Donc, un autre 3 points qu'il faut absolument aller chercher. Et juste aller chercher un nul ou une victoire face à Montréal et UQAM, ben, ça pourrait envoyer un message pour les éliminatoires parce que ça risque d'être un adversaire potentiel. Mm-hmm. Un nul, ce serait pas pire. Ça serait dire que, hey, on est capable de jouer avec vous puis attention en éliminatoire. Pour le volet féminin, les Patriotes avaient deux matchs cette fin de semaine. D'abord, les Patriotes étaient, elles aussi, à McGill. Et c'est une... Wow, j'ai perdu. C'est un match nul de 0-0 face aux représentantes de McGill. J'ai oublié le nom parce que c'est pas les Redmen. Ouais, l'autre, les Marquises ou je sais pas quoi. Là, il y avait... Les Marquises. Ouais, quelque chose du genre. Chose comme ça, il me semble. C'est ça. Et une victoire de 3-0 face à l'Université de Bishops cette fin de semaine, dimanche dernier. Donc, les Patriotes maintenant qui pointent au troisième rang avec une fiche de 3 victoires, 4 défaites et 3 nuls. C'est 12 points. C'est autant de points que l'Université McGill. Mais avec le différentiel de buts, on a plus de buts pour du côté des Patriotes. Donc, présentement, on a le bris d'égalité. Il va rester plusieurs matchs à la saison. Du côté féminin aussi, c'est 4 matchs. Eh bien, c'est une cédule identique du côté féminin. Donc, d'abord, cette fin de semaine à Sherbrooke. Ce vendredi, dimanche, c'est Montréal qui se rend en visite. Ensuite, on parle de l'UQAM vendredi de la semaine suivante et on termine contre Concordia. Et encore une fois, Montréal, ça risque d'être un match assez difficile, toujours invaincu. Sherbrooke, Concordia et UQAM devraient être au moins des matchs. On doit aller chercher les victoires si on veut se qualifier pour les éliminatoires. On doit avoir le couteau entre les dents parce que sinon on va peut-être rater les éliminatoires et ça serait un petit peu triste. Ouais. On va se le dire. Surtout avec le travail que nos demoiselles et nos messieurs ont fait au niveau soccer. Ce serait peut-être plate de voir autant d'efforts tomber à l'eau parce qu'on manque les éliminatoires d'un point, parce qu'une équipe qu'on aurait dû battre nous a battus ou en fait match nul. Donc c'est des matchs très intéressants. Sherbrooke cette fin de semaine et la semaine suivante, c'est Sherbrooke vendredi, Montréal, ça risque d'être les matchs importants à suivre. Je vous encourage d'aller voir les Carabins qui seront au stade Gilles Doucet dimanche. Ça vaut la peine. À ceux qui veulent savoir en passant à McGill, c'est difficile à trouver sur leur site, là, mais c'est les Martlets. C'est les Martlets, c'est ça? Oui, c'est ça. Je cherchais, j'avais juste un blanc. Moi, j'avais la première syllabe, fait que j'étais quand même. C'est pas pire. Cette fin de semaine, c'est la fin de semaine dernière, oui, c'était la première compétition de natation de la saison et on a eu quelques bons résultats, surtout du côté féminin. On s'est classé au classement par équipe, on a fait 36 points, ce qui donne le quatrième rang, un point derrière l'Université Laval. Et d'ailleurs, une des patriotes de la semaine du côté féminin, c'est Anne-Pierre Labbé qui a remporté, qui a fait 3 podiums, oui. Donc, aux 50 mètres, une troisième position. Aux 100 mètres, une deuxième position, c'est au dos. Et au relais, 4 fois 100 mètres, 4 nages, les Patriotes ont réussi à prendre le troisième rang. Donc, une belle performance pour les Patriotes du côté de la natation. Et même dire que Anne-Pierre Labbé est à 7 et 29 centièmes du standard canadien U-Sport aux 50 et 100 mètres d'eau. Ça, c'est... Puis c'est une recrue, là. Mm-hmm. C'est sa première saison. Donc, commence fort. C'est une athlète qui est à surveiller dans les prochaines années. Peut-être que une possibilité... On va la perdre. C'est ça que tu veux dire? Non, pas qu'on va la perdre, mais qu'elle va peut-être aller plus haut. Elle va peut-être faire des compétitions nationales. Ouais. Et peut-être, éventuellement, se qualifier pour les Jeux Olympiques dans 3 ans. La pression est vraiment là, tu sais. Du poids sur les épaules pour elle. Sans dire qu'il y a de la pression, mais c'est une fille qui a du talent. C'est une fille qui va bien, donc peut-être qu'elle va réussir à aller au prochain échelon. Je lui souhaite, là, ça, oui, c'est ben quand oui. même intéressant. Si là, surtout quand tu es à 700e du standard canadien, c'est plate un peu de le manquer, mais il y a des filles qui sont encore plus fortes ailleurs. Donc Ça reste à voir. Ouais. Le patriote de la semaine du côté masculin, c'est l'ailier gauche de la formation hockey, Christophe Boivin. Il fut la bougie d'allumage le week-end dernier alors que son équipe affrontait les Lakers de l'Université Nipissing pour un programme double. À la première rencontre, Boivin a réussi à conserver l'équipe dans le match en égalisant la marque à deux reprises et ainsi permettre aux Patriotes de remporter le match 4-3 en prolongation. Continuant sur cette lancée, la recrue au certificat en comptabilité contribua à la victoire du second match 5-1 avec un but et une passe. Mm-hmm. Donc, les Patriotes de la semaine, cette semaine, et c'est tout pour ma chronique. Hey, hey, hey, on t'écoute à Patriote en action tous les jeudis matin à 11h pour plus de nouvelles de sport, oui, des débats, des grands sujets. Oui, on fait beaucoup de débats. D'ailleurs, la semaine dernière, notre débat a été sur le jus. Les stéroïdes. Oui, on est revenu sur O.J. Simpson et sa libération. Non, pas du tout. Non. Ça, on laisse ça. Mais il y a plusieurs sujets cette semaine. Comme je disais, on va parler de la publicité sur les chandails de sport professionnel, ouais, amateur, tout ça. Donc, ça risque d'être intéressant aussi. Un bon débat en perspective avec mon collègue Gabriel Dubé. Super. On écoute ça. Donc, jeudi matin à 11h et puis ça repasse les samedis à 10h. Oui. C'est assez fou. Merci beaucoup, Marc-Olivier Dumas. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mardis matins à 8h environ, mettons, dépendant de si tout le monde est prêt. Là. Peut-être la semaine prochaine, ça pourrait être un petit peu plus tard. Peut-être un petit peu plus tard. La semaine de relâche, hein? Oui. Ouais, c'est ça. On verra. Ouais, bien sûr. On s'en reparle. On s'en reparlera. Au retour de la pause, on va changer complètement de domaine en parlant d'Afrique. Ok, oui, ça s'en vient, Dominique Mavungu. Voix d'Afrique, reste là. Wow! Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. C'est faux, c'est faux. 7 de retour dans Assemblage Requis et on vous l'avait dit, c'est une émission très, très, très occupée aujourd'hui. Back to back, ça n'arrête pas. On aime ça de même. Oui, vraiment, c'est fun, on adore c'est ça. Les meilleures émissions quand on a pas de musique. Pas de musique, pas de Tania et Mathieu. Ben, un peu. Des chroniqueurs. Un peu, en fait, moi j'étais au début et oui, toi à la fin. Exactement, donc on débute et on va closer. On est comme le petit biscuit au chocolat. Oh, on est comme le Oreo. C'est beau, là! La crème, c'est nos chroniqueurs. C'est... Waouh, j'aurais pas pu mieux dire. Tout ça, donc, la poésie. La poésie. On n'a pas de musique, par contre, on a des belles têtes intro quêteurs. Qu'on aime ça! C'est l'heure de Voix d'Afrique. Voix d'Afrique et la chronique de Dominique Mavungu. On se retrouve chaque semaine pour parler d'actualités africaines. On a tout le temps un paquet de sujets à couvrir. Actualité, sport, culture, internet. Mm-hmm. Je suis en train de tout lui voler ses... Oui, c'est ça. Phrases. Alors, salut Dominique. Salut Mathieu, salut Tania. Ça bon va? Matin. Bon matin, ça va? Ça va très bien? Oui, un matin extraordinaire. Est-ce que t'as froid, Dominique? Il y a encore son manteau, ça te fait. Ça te quand même, oui. Ouais, bon, il faisait quand même un peu froid dehors. Ouais, non, mais on c'est s'entend, vrai. Il faisait comme 7 degrés, genre. Ouais, si c'est pas moins. C'est ça. Okay. C'est normal. Moi, hein? Moi je te pardonne. À 6h30, il faisait 2. Ouais. Bref. C'est pas comme ça en Afrique. Non, pas du tout. Mais t'as pas de portion météo dans ton bulletin, donc. Non, bon, c'est ça. Hein. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Donc, pas de météo, mais on va parler un peu de youtubeurs africains quand même. Ah oui? Voilà, tu sais, parce que je remarque un peu qu'il y a quand même de l'engouement pour ça. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dedans, qui font des vidéos et tout, et qui commencent à avoir un bon public et tout. C'est plus le rêve américain, c'est le rêve mondial. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est la mondialisation. Voilà. Ben, on parlera un peu de cinéma aussi, de quelques films aussi que j'ai regardé aussi ce week-end qui sont pas mal. Et aussi d'entrepreneuriat. Et de quelques, c'est un peu de sport aussi. Tu vois, c'est très varié. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par YouTube, en fait. Mm-hmm. On va commencer par des YouTubeurs africains. Donc, le premier, en fait, il s'appelle Observateur Eben. C'est un Ivoirien qui a percé, en fait, avec une vidéo qu'il avait fait sur les djihadistes, je pense, au temps des attentats de Paris. Okay. Et donc, c'est politisé un peu, là. Ouais, c'est ça, en fait. Mais bon, il faisait des vidéos il y a quand même longtemps, en fait. Son vrai nom, c'est Florent Amani, en fait. C'est un informaticien, en fait, qui s'est lancé, en fait, tout seul chez lui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a commencé à faire des vidéos, se filmer à partir de son iPhone. Et la vidéo qu'il a vraiment fait décoller, c'est cette vidéo-là des djihadistes et tout. Donc, pour les auditeurs qui veulent voir ça, juste taper sur YouTube Observateur Eben et ils vont voir la vidéo. Et bon, en fait, ça a été beaucoup partagé et tout parce que c'était au moment où il y a eu les attentats de Paris, je pense. Et donc, ça a fait un peu le buzz et tout. Il y a même des émissions télé là-bas qui ont repris Touche pas à mon poste. Oui, par exemple, ils ont repris cette vidéo-là sur les djihadistes et tout. Et puis, bon, c'est comme ça aussi qu'il a commencé un peu sa carrière. Tu vois, là maintenant. Bon, ça, il commence à être un visage connu quand même de YouTube sur la scène africaine. Il passe aussi dans des clips et tout ça. Donc, c'est un YouTuber en tout cas à suivre, en tout cas pour peut-être les Québécois qui ne le connaissent pas forcément et tout. Peut-être à regarder. Je pense qu'il est quand même drôle. Il a un style d'humour quand même particulier. Particulier, mais je sais pas si ça fait rire tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça me fait rire. C'est ça, l'humour, c'est subjectif. Mais bon, le gars est de Côte d'Ivoire, fait que on peut pas dire qu'on y voit rien. Hey, je n'osais pas la faire tantôt. Non, j'ai pensé, puis j'étais comme, est-ce que je l'ai fait? Ah, vous, hein? Non. Non. La réponse est non. Mais là, elle est passée, là. Merci, Eric. Donc, il y a aussi Axel Myril. Lui, c'est un Béninois, en fait. Lui aussi, dans ce moment, ouais, c'est ça. Donc il fait un peu des. Il a commencé aussi pareil. Hein. Lui fait des vidéos un peu, mais un peu drôles en fait, parce que je sais pas si t'as. Il y a un nouveau style vidéo sur Facebook. C'est comme de comparer une image en fait. C'est-à-dire, mettons, il y a un dialogue qui est en train de passer. Il y a une vidéo et le YouTuber ou celui qui fait des vidéos, il commente juste l'image qui est là en fait. Non, j'ai pas vu ça. Non. C'est comme ça un peu. Bon, en fait, c'est une tendance maintenant qui est en train de prendre. Je sais pas comment on appelle ça en fait, mais la plupart des vidéos YouTube, c'est un peu comme ça en fait. Okay. C'est beaucoup de commentaires et tout. On commente la vidéo derrière sur un ton un peu humoristique. Okay, un oui, peu, je comprends. Okay, un peu, oui. Ouais, un peu dérisoire et tout. Ouais. Donc, Axel Myril, c'est un Béninois en ce moment qui fait des vidéos aussi dedans. Et puis, ce que j'aime bien aussi dans ces dernières vidéos qu'il a commencé à faire en fait, c'est parce qu'il présente un peu il présente un pays à chaque émission et tout. Enfin, à chaque vidéo, parce qu'il est quand même suivi par, je pense, au moins 300 000 personnes et tout. Quand même, tu vois. Donc, présente un peu son pays et tout, bien les avantages que ça a. En tout cas, sur la dernière vidéo que j'ai regardée, donc j'ai trouvé ça en tout cas intéressant. Et puis, c'est vrai qu'il y avait un côté ludique, mais il y avait aussi un petit côté culturel quand même aussi pour informer aussi les gens. Apprendre en s'amusant. Si, apprendre en s'amusant et puis apprendre en riant aussi. Donc, j'ai bien aimé le concept aussi de ces vidéos là. Après, bon, j'espère qu'il va aller chez le médecin pour faire vérifier sa tumeur bénigne. Tu y as pensé, hein? Oh, tu y as pensé. Boom, back à back. Incroyable. On est terrible. Désolé, Dominique. Désolé. On va se contrôler. On va se ludique. Comme le gosse. Exactement. Donc, voilà, bon, troisième aussi. Et dernier, je me dirais Sakou, on va prendre une fille. Je vais prendre Ruby. Ruby, comme c'est une youtubeuse aussi camerounaise en fait. Et elle aussi, elle s'est rendue célèbre avec une vidéo où le titre c'était On ne quitte pas une Africaine en fait. Tu vois, donc la vidéo. Faut que t'es avec, c'est pour c'est ça. Ça. C'est ça. Donc en fait, dans la vidéo, en fait, c'était un peu. elle simulait un appel téléphonique en fait où il y avait son chum qui, mm-hmm. qui dit qu'il a quitté en fait. Donc là elle disait non, tu me quittes pas et tout, tu peux pas me quitter, c'est quand moi je dis que c'est fini tu vois. Donc c'était quand même drôle, tu vois. Et puis c'était un peu un cliché quand même, ouais. Mais tout dans l'humour, moi j'ai tout dans l'exécution. c'est ça exactement, hein. C'est un peu abusé, mais j'ai trouvé ça quand même très drôle quand même, cette vidéo de Ruby là. Et puis c'est sur YouTube aussi, donc Ruby comédienne et tout, sur Instagram aussi je pense, c'est ça, Ruby Y. Ouais, c'est ça, RUBY aussi, pour ceux qui souhaitent regarder et tout. Et c'est pas mal ça pour les youtubeurs, en tout cas. Ensuite, on va parler de cinéma. Oh oui. Ouais, de cinéma, d'un film que j'ai regardé qui s'appelle Bienvenue au Bosanga. C'est tu sais, le Botswana, ça n'existe pas en fait. Ok, je me demandais. Ok, Botswana, okay, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est un mot juste inventé par. Botswana. Si, par. Le réalisateur Maman, c'est un humoriste nigérien quand même assez célèbre aussi sur le continent. Il anime un show d'humour en fait tous les dimanches sur Canal Plus et tout. Ah ouais, ok, il est quand même connu donc. Ouais, non, il est quand même connu aussi en France et tout. Il est beaucoup connu là-bas. Sur RFI aussi, il faisait un peu de radio et tout. Donc là en ce moment, il a produit ce film là. En fait, le film en fait, il relate un peu comme une élection en fait dans un pays qui est censé s'être déroulé dans un pays africain en fait. C'est ça, c'est fait pour représenter un pays africain sans avoir à nommer le pays. Ça, c'est ça en fait, c'est ça. Donc on voit un peu les clichés, tu vois, au début il y a je vais pas trop en parler. Pour laisser un peu les personnes regarder le film et tout, mais en gros c'est un peu ça. Et donc il y a des observateurs, tu vois, qui vont et tout, et ça mime un peu, c'est un peu comme une caricature des élections un peu qui se passent généralement, tu sais, au pays où on connaît déjà le gagnant en avance, ouais. Où il y a un opposant en prison, mais quand c'est la période. C'est une parodie, mais est-ce que c'est filmé à la documentaire? Est-ce que c'est c'est vraiment filmé comme un drôle, scripté et tout. Ok, parfait. Ça trace un peu, tu vois. Comme les clichés qui existent, mais c'est des choses aussi un peu vraies quand même, mais dans l'humour en fait. Mais tu c'est vois. Ce qui fait que c'est drôle quand il y a une petite réalité sous-entendue ou cachée derrière. Si, tu vois. Et tu sais, on parle, tu sais, par exemple, l'opposant, tu vois, qui est en prison et quand vient les élections, on le fait sortir, tu vois, pour animer un peu. Ouais. Tu sais, mais il est fait sortir par le pouvoir en fait, par le président au pouvoir qui fait sortir l'opposant juste pour qu'il y ait une petite compétition, ouais. Mais on sait tous à la fin qu'il va gagner pareil quand même, tu vois. Donc c'est un peu ça quand même que le film il relate un peu, donc mais ce sont différents événements qui ont eu lieu sur le continent, tu vois, périodes célèbres de chaque pays. Ah, c'est comme un collage de plusieurs événements et tout qui ont eu lieu dans certains pays et tout, et puis comme si tout se passait au même endroit. Si, un scrapbooking cinématographique. Un collimage en français. Un collimage. Est-ce que j'avais un mot pire que collimage pour traduire scrapbooking? C'est affreux. Un collimage. Donc c'était ça, c'était un collimage comme le dit. Voilà. C'est vrai, j'ai trouvé ça quand même drôle, surtout pour le message aussi un peu en bas, et puis même pour parce que ça, c'est une manière un peu de sensibiliser quand même, un peu au travers de l'humour, tout ça. Sans faire la morale, vu que c'est de l'humour. Ouais, c'est ça en fait, sans faire la morale, mais en tout cas, voilà, ça s'adresse à, tu vois, il y a des gens quand même qui ont compris le message derrière, on a rigolé et tout, donc c'est l'essentiel. Le film a fait quand même beaucoup d'entrées aussi, et puis beaucoup de gens l'ont regardé, donc c'est bien quand même, tu vois. Botswana, c'est ça? C'est ça, le Bienvenue au Botswana. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent le... Non, Bienvenue au Gondwana, pardon. Gondwana. C'est ça. Ok, parfait. Je trouvais ça beau, mon mode. Est-ce que c'est un film de cette année ou... C'est un film de cette année, en fait. En fait, j'ai confondu avec un autre film qui était le Crocodile du Botswana. Ah, ben oui. Donc, deux films à regarder ou celui-là qui va... C'est ça, exactement. Lui, il en vaut-tu la peine ou... Ça a l'air cool. Ben ouais, c'est ça, en fait. Ouais, mais l'autre aussi, il en vaut la peine aussi. Okay. C'est fait par Fabrice Eboué aussi. C'est un humoriste aussi, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui finissent par passer de l'autre côté de la caméra, commencer à réaliser aussi des films. Qui ont un message à passer. Ouais, qui ont un message à passer aussi, tu vois. Eux-mêmes aussi le font dans le sketch généralement. Mais là, tu sais, il y a de plus en plus qui se retrouvent derrière la caméra et tout. Et puis, c'est bien en tout cas, ça motive un peu d'autres réalisateurs aussi à le faire. Et puis. Moi je regarde, j'aime bien ça aussi. Peut-être pourquoi pas un jour, tu vois, réaliser un film aussi. Peut-être. Hein. Pourquoi pas. Tu vas pouvoir t'inventer un nouveau mot après Botswana puis Botswana et tu vas trouver autre chose. C'est ça. Donc, à la suite de ça, je voulais parler un peu d'entrepreneuriat aussi. voilà, de quelques entrepreneurs, en tout cas sur le continent, qui font un peu bouger et tout, parce qu'il y a eu un classement dernièrement, ils ont cité au moins les 30 entrepreneurs les plus en vogue du continent qui font bouger les choses. Bon, après, je vais pas citer tous les 30, mais j'ai pris au moins un qui m'a en tout cas intéressé, c'était Viron Mankou. Lui, il est pas. En fait, c'est un Congolais, Congo Brazzaville et tout. Il habite à Pointe-Noire et tout. Donc, il s'est lancé dans la technologie. En fait, il a fait sortir le premier smartphone africain et puis tablette aussi. Bon, ça date quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas rien. Ouais, l'entreprise, elle est là en ce moment, elle marche et tout. VMK. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que j'ai vu le smartphone, j'ai vu les tablettes. En tout cas, ça marche sous. Sous Android et tout. Ouais. Mais. C'est fabriqué déjà localement, donc c'est sûr que déjà ça coûte moins cher aussi pour l'importation. Hein. C'est ça, tu vois. Et plutôt que les smartphones qui sont importés, comme tu dis, donc ça c'est plus adapté aux populations de là-bas, tu vois, qui peuvent peut-être se le procurer à moindre coût et tout. Puis ça crée aussi des emplois directement sur place. Puis aussi un transfert de compétences aussi, ça permet aussi de gagner aussi en qualité de main-d'œuvre et tout. Donc, c'est ça, c'est réussi à faire la même qualité que ce qui était déjà importé. Et les gens vont pouvoir choisir de prendre ça parce qu'à niveau égal, si c'est local. Mais c'est ça. C'est ça, à niveau égal, c'est sûr qu'ils vont prendre le local en fait. Juste le, ouais. Si c'est fiable bon, en plus, si c'est ça, pourquoi en fait, pas. Pourquoi pas. Bon, après, moi, j'ai pas encore testé le smartphone, mais il a l'air pas mal en tout cas. Et puis, je pense qu'il y a assez de renouvellement en tout cas. Et puis, chaque régulièrement, il fait sortir de nouveaux modèles et puis c'est de nouveau des mises à jour récentes. Mm-hmm. Bon, après, je pense que ça prend quand même du financement pour passer encore à l'économie. Ben, après, c'est quand même une production, je dirais, pour le moment, elle est assez régionale, je dirais, quand même Afrique centrale et puis même locale, même Congo-Brazzaville particulièrement. Mm-hmm. Mais je pense que ça peut quand même décoller, même aller un peu plus loin, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a du potentiel. Toutes les compagnies qui sont majeures en ce moment ont commencé petit à un moment. Mais oui, c'est ça. Puis il faut commencer petit. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'était lui, Viron Mankou. Et aussi, il y avait aussi Alain Quadio. Mais lui, par contre, c'est dans tout autre domaine. Lui, c'était vraiment dans le luxe, en fait, dans l'immobilier de luxe, en Côte d'Ivoire. Et franchement, je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais apparemment, j'ai vu que de grandes réalisations, même en Afrique de l'Ouest, sont faites par cet homme-là. En fait, il a comme un fonds d'investissement dans l'immobilier, en fait, tu vois. Des gratte-ciels, des condos. C'est ça, il fait vraiment de tout, en fait. Genre, des châteaux. Même des palais présidentiels. Oh, okay. Il fait vraiment de tout. Il a un fonds vraiment qui est spécialisé pour investir dans l'immobilier de luxe et tout. Et je trouvais ça en tout cas intéressant parce que c'est pas des infrastructures. C'est pas un domaine dans lequel en Afrique francophone, on en a mis beaucoup d'accent, en fait, tu vois. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui font dans le luxe, mais pourtant. Il commence à avoir une classe moyenne qui vise vraiment ça quand même. Ouais. Tu vois, qui recherche un peu ce standing-là et tout. Et puis là, lui, s'est lancé dedans. Je vois un peu ses réalisations. Elles sont vraiment belles et tout. Et puis au-delà de ça aussi, il y a un certain engouement aussi autour de ça. Tu vois, il y a des gens quand même qui. Tu sais, je vois le prix de ces apparts-là. Quand je pense que, ouais, j'ai dit, waouh, il y a des gens qui se payent vraiment ça. Ils sont chanceux. Ouais, ils sont chanceux. Ils ont travaillé pour, je m'imagine. Ouais, c'est ça en fait. Mais, clairement. Tu sais, dans la vidéo, j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur lui. Et genre, dans la vidéo, il était comme sur un chantier. Et de ce qu'on avait dit, le chantier avait accusé un petit retard et tout. Il y avait un petit problème, je sais pas, de béton, coulage de béton et tout. Et dans l'interview, on dit que chaque jour de retard, ça lui coûte genre 7 millions de francs CFA. Ouais. C'est je dis un ah ouais, donc dis-toi qu'il y a un chantier qui a été bloqué même genre 3 mois. Ouais. Ah ouf. À 7 millions chaque jour, tu vois, ça monte vite quand même, quoi. Waouh. Donc OK, donc c'est aussi un peu ça le luxe, quoi. Ouais. Je pense que les pertes et les gains aussi sont semblables quand même. C'est ça, j'imagine que les gains viennent compenser pour les pertes pas mal quand t'as un palais présidentiel à construire. Ah bah ouais, c'est ça. Hein. Rien que ça et puis ça c'est sans compter les autres. Donc voilà, deux entrepreneurs en tout cas que j'ai trouvé quand même intéressant dans leur concept aussi, tu vois. Et puis ça peut donner des idées et tout. Et ensuite, parle un peu de certains secteurs d'activité quand même, tu sais, qu'on juge porteurs en Afrique et tout. Et puis la technologie. Mm-hmm. Parce que apparemment de ce que je vois, il y a de plus en plus de start-up qui se lancent dans la technologie et tout, et puis dans des tablettes, dans le médical et tout, mais ce qui, bon, pour le moment, ça reste encore infime quand même, tu vois. c'est pas encore ça compense pas encore les exportations quand même, ben, les importations pardon, parce que tu sais on importe beaucoup d'électronique et tout, mais ça devient de plus en plus difficile, tu vois, parce que les gouvernements, tu sais, ils augmentent les taxes dessus, donc ça fait que les prix aussi ça flambe et tout, donc je pense que, je sais pas si c'est une mesure pour à ce que les gens décident de fabriquer plus localement aussi, mais en tout cas il y a vraiment une place à prendre et tout, tu vois, sur dans le marché de l'électronique là-bas, parce que c'est avec la pub, l'internet aussi, le taux de pénétration qui augmente, et donc c'est un marché pour peut-être des investisseurs québécois potentiels et tout qui aiment ça, et surtout les jeux vidéo aussi, tu vois. Ah oui, ah ouais, c'est un marché aussi apparemment que les, tu sais, qui marche vraiment bien là-bas et tout. Donc moi j'aime bien ça, et surtout au Québec ici il y a beaucoup de studios de jeux ici, ouais, tu vois, et ils sont quand même spécialisés dans les jeux et tout, donc tu sais, pourquoi pas des entrepreneurs ici qui voudraient peut-être se lancer dans un jeu là-bas ou bien sur des réalités là-bas, ça peut être intéressant quand même, et puis ça peut être une bonne piste d'affaires, absolument, pour ça, pour le prochain Ubisoft, exactement, c'est ça en fait. En parlant d'Ubisoft, en fait, j'ai vu qu'ils allaient se faire racheter en fait par une compagnie française. Ok, j'ai pas vu passer. Ouais, donc. Non plus. Ah si, j'ai vu qu'ils voulaient pas racheter totalement, mais céder au moins une partie une partie de leur capital et tout pour faire, tu sais, pour l'augmenter et tout. Et ouais, Ubisoft, moi j'aime beaucoup ces studios-là, j'ai beaucoup de leurs jeux. Et j'ai plus de console là, mais je pense que je vais en racheter encore. C'était rétro ou plus récent dans tes jeux? Plus récent, tu sais, j'avais une Xbox One. Ok, ok, ouais, quand même. Tu vois, mais. Super Nintendo. C'est ça. Ouais, je m'en parlais de Mario en ce moment, parce qu'on parle de ça. C'était un vintage, Matt. Ouais, c'est quand même ça. Et donc je pense que c'était tout quand même pour. Bonne chronique encore remplie. Oui. Toujours. À chaque semaine, on est comme impressionné par la quantité de sujets que tu peux couvrir. C'est parfait, on aime ça. Merci Dominique Mavungu. Merci Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Toujours aller mardi à 8h30. Bonne journée. Okay, bonne journée. On prend une pause. Au retour, Jimmy Thibodeau va être de retour avec nous. On a hâte. Un grand retour. Oui. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Troisième heure d'assemblage requis en ce mardi 17 octobre 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Elle danse comme Shirazade ou encore comme. C'était quoi la dernière que tu as fait? C'était comme une danse de. D'égyptienne, mais soul, je pense. Je sais pas ce que je fais. Je pense que j'ai bu trop de café ce matin déjà. C'est un rongeur, bref. C'était bizarre comme danse, fallait ouais, je suis désolée, c'est ça, caméra 3. Il nous reste encore une heure à l'émission. Tantôt, ta chronique s'en vient, Tania is gonna entertain ya. On a mis ça sur la glace. C'est ça, sur la glace. Pour c'est le seul mot-clé qu'on a, le mot-clic. C'est suspense. Glace. Exactement. Dans quelques minutes, ce sera Jimmy Thibodeau qu'on va réaccueillir parmi nous. Donne-nous un petit avant-goût de ce qui s'en vient tantôt, Jimmy, avant même qu'on se dise bonjour. Un petit avant-goût déjà? Ouais. Oui. Ah, ben en fait, ça va, je vais vous décevoir peut-être un peu parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est présenter mon projet que je vais faire pour vous donner. Ça, c'est la présentation d'une présentation. Exactement, c'est ça. Ah, c'est merveilleux. C'est comme Inception. C'est comme bon, un avant-goût. C'est vraiment spécifique, fait que il faut des détails, vous allez voir. On a bien hâte, bien hâte. Ça, c'est dans quelques secondes avancées. On écoute Dead From Above 1979. Voici Never Swim Alone. Assemblage requis. Au 89 FM. C'est fou. À 3h. Put up with my ceiling, missing, falling apart. J'attends le bip. Ah, voilà! Le bip du message. Dead from Above, 1979, Never Swim Alone. J'aime cette partie-là où on a l'impression d'être littéralement sous l'eau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, comme ça. Toujours à Assemblage Requis à 9h05 en ce mardi matin. C'est le moment qu'on va avoir une fois de temps en temps, en fait. À quelle fréquence déjà? Pas mal toutes les semaines? Pas mal toutes les semaines, oui. Ouais. Ça donne un bon coup de pied au derrière, ça, toutes les semaines. Pour ça force à se lever. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, c'est Jimmy Thibodeau qu'on accueille. En fait, qu'on réaccueille parce qu'il était avec nous il y a, quoi, je dirais, 3 ans. Peut-être 3 ans? 2 ans. Ça fait 3 ans, déjà? Je pense plus 2 ans. Là, quand ouais. 2 ans, pour on n'est pas aussi vieux que ça. Là. J'aurais l'impression de 3 ans. Moi aussi, je pense 2. Vite, fait que j'ai n'importe quoi. Bref, tu nous parlais de plein de choses à l'époque, de sujets très, très variés. Tout à mais fait. Mais tout le temps sur l'explication. Ben à l'époque, c'était politique internationale ouais. Et sujet de société. Sujet de société, je dirais. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est vraiment plus particulier. En fait, ça va être semblable, mais vraiment très, très spécifique. Okay. En fait, moi, j'ai accepté d'être ici, de faire cette chronique-là. On t'a recruté parce que... en passant, il faut le dire. Ouais, on l'a recruté, là. Il on pas s'est proposé plein de choses. De... C'est ça. Parce qu'en fait, j'avais déjà un projet de blog de mon côté. Ça, tu m'as pas dit podcast, parce que j'aurais dit hey, il est podcast. Okay. C'est ça. Mais blog internet qui s'appellerait The Left World Watch, mais ça, c'est en anglais. Bon, mon nationalisme francophone m'a dit, ah, tu pas faire ça, mais tu sais, quand tu fais un blog, tu auras une chance d'avoir un petit peu de... C'est ça l'affaire, t'as pas le choix. Exactement. Ça s'appelle un blog, comme en fait, weblog. En fait, t'as le choix, ouais, mais c'est ça. Fait que ce blog-là, ben, le squelette est fait, mais pas, il n'y a rien de fait encore concrètement d'article. Là, donc, c'est pour ça que le fait de faire une chronique radio, ben, ça me donne le coup de pied au derrière, comme je disais. C'est pour ça qu'en faire une fois à chaque semaine, bon, voilà. Fait que, ben, en fait, l'idée, là, c'est vraiment de faire un blog gauchiste, okay. Mais qui fait une critique de certains sujets, ben, de certaines idées reçues parmi la gauche, en fait. OK. OK, ouais. Parce que, en fait, d'où ça part l'idée, ben effectivement, on parle de gauche puis de droite comme si c'était des choses qui étaient assez unies, mais en même temps, la gauche, c'est quelque chose de très, très diversifié. On peut être de gauche et être un communiste, oui. Un socialiste, mm-hmm. Social-démocrate. C'est une ligne. Il y a plein de zones là-dedans. C'est même pas gris. Ouais, c'est ça. C'est juste du brouillard. Du brouillard. c'est tellement diversifié. Moi, j'ai tendance à dire que ça veut rien dire de temps en temps. Donc voilà, donc forcément, quand t'es de gauche, il y a des trucs dans la gauche qui font pas ton affaire, oui. Et puis des trucs qui ont pas de bon sens. T'sais, si t'aimes tout de ton côté, pour vrai, il y a quelque chose qui marche pas, c'est parce que t'as pas de jugement. Si t'aimes tout ce que la gauche fait ou tout oui, que effectivement. La droite... Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'est du dogmatisme. Exactement. C'est clair. C'est ça. Puis c'est ça qui arrive aussi avec... je vais entrer tirer direct dans le vif du sujet à ce moment-là. Dans les réseaux sociaux, entre autres, mm-hmm. Sur Internet, on fait une sorte de bulle autour de nous. On est tout le temps avec... même Facebook, Internet, comment c'est fait, ça s'arrange pour que tous les gens qui pensent pareil sont tellement. Au même endroit. L'echo chamber, qu'on appelle. Donc, exactement. C'est l'opinion que tu as déjà, tu veux te la faire redire. T'sais, c'est pour ça que les gens regardent LCN ou je sais pas trop quoi, genre pour te faire dire exactement ce que tu penses déjà. Exactement. Puis oui, c'est pour... Te glorifie pas, mais t'assurer que ce que tu penses c'est correct, mettons. C'est ça. Flatter l'ego un peu. Exact. On cherche ça. C'est ça qui fait plaisir sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Fait que c'est ça qu'on recherche. Et c'est quand même drôle de voir certains groupuscules politiques. À droite, on l'a avec l'alt-right, entre autres, là, qui s'est vraiment radicalisé fortement puis qui a aidé l'élection de Trump et tout. Le mouvement Trump. Mm-hmm. Exactement. Mais on a de l'autre côté aussi la gauche qui se radicalise à certains égards, comme j'aurai l'intention d'en parler dans les prochains, prochaines chroniques. Oui. Ils sont soumis aux mêmes effets des réseaux sociaux, autrement dit. C'est pas parce qu'ils sont de gauche et qu'ils pensent être les bien-pensants, ceux qui ont toujours raison puis qui sont pour le bien commun. C'est pas à cause de ça qu'ils sont pas nécessairement comme sujets à des biais de leur côté aussi. Donc voilà, moi j'avais l'intention, je voulais critiquer ça, je voulais pas... parce que j'ai l'impression que dans notre société d'aujourd'hui, on est de moins en moins capable de faire des dialogues. Ouais, c'est vrai. Avec l'Internet, justement, les réseaux sociaux, puis le sensationnisme des médias, on est vraiment rendu dans une société qui se polarise vraiment super rapidement. Puis on n'est plus capable de se parler, en fait. Puis quand tu as des trucs de la gauche, des trucs qui ont juste pas de bon sens ou des attaques personnelles, tu sais, comment tu peux être d'accord avec ça quand tu es de gauche? Tu veux pas que des gens de gauche comme ça te représentent tes idées. Donc, à un moment donné, il faut se lever debout puis critiquer ces affaires-là pour essayer d'empêcher de faire dérailler le débat autrement dit. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça ma motivation dans ce projet-là. Puis dans les sujets que je vais aborder, allons-y tout de suite. En fait, il va y avoir trois volets dans dans mes chroniques. Soit je vais parler, en fait, l'idée c'est qu'à chaque semaine, je vais critiquer quelque chose en particulier. Okay. Ça peut être soit de la désinformation qui circule, des arguments douteux en particulier que j'aimerais analyser, ou encore juste critiquer des comportements ou des agissements comme toxiques pour le débat. Puis je vais donner un exemple de chaque, en fait. Par exemple, en ce qui concerne la désinformation, dans la gauche, il y a beaucoup d'efforts de désinformation, surtout parce que dans la droite, il y en a énormément. Oui, il y en a aussi. Puis on pense que la gauche, c'est pro-science et tout, mais des fois, avec les médias alternatifs et tout ça, des trucs comme ça, on se ramasse avec des trucs qui ont vraiment pas de bon sens. Un des meilleurs exemples pour ça, je pense, c'est les OGM, en fait, parce que, oui, puis évidemment, je vais parler de sujets qui dérangent comme les OGM, c'est sûr, oui. On aime ça. parce que c'est comme accepté dans la culture populaire, ben oui, les OGM, c'est mauvais et tout ça, mais en fait, les OGM, là, c'est tout. Il n'y a aucune étude qui prouve que c'est mauvais pour la santé. Il y a le principe de précaution, puis oui, il y a certaines choses qui n'ont pas de bon sens. Par exemple, Monsanto qui stérilise des semences pour obliger les cultivateurs de racheter les semences. Ça, c'est une pratique qui s'est faite. Puis rendre aussi les cultivateurs dépendants au Roundup, qu'on appelle. C'est un insecticide de Monsanto. Des trucs qui n'ont pas de bon sens comme ça. Mais ce n'est pas à cause d'exemples de mauvaise utilisation des OGM que les OGM sont mauvais en soi. Puis les OGM, ça permet vraiment de faire des avancées. C'est prometteur, les OGM. Prenez par exemple, en Chine, il y a un endroit vraiment en campagne profonde où il y a des gens qui ont des carences en vitamine A, en fait, c'est ça. Okay. Donc, il y a des scientifiques qui ont essayé de régler le problème des carences en vitamine A dans un village en particulier en Chine. Puis en fait, il y avait tellement une grande carence en vitamine A que ces gens-là, en fait, ils mouraient de maladie liée à cette carence-là. Fait que pour régler le problème, qu'est-ce qu'on fait? On prend le riz. Ils mangent juste du riz presque, là. Donc on prend le riz et on le modifie génétiquement pour qu'il produise de la vitamine A. Et puis, avec ça, on a réglé le problème des maladies. Comment est-ce que tu peux être contre cette idée-là de régler des maladies avec ça? Il y a des gens qui ont été contre ça. Puis même les Chinois eux-mêmes se sont méfiés beaucoup de ça. Donc, ça a fini dans les étagères, ce riz-là. Puis il y a des Chinois dans les campagnes rurales qui continuent à mourir de la carence en vitamine A. Puis, de manière générale aussi, dans le monde, les OGM, c'est une utilisation. En fait, avec les OGM, on est capable de produire plus avec moins. On est capable de rendre des OGM, on est capable de rendre des plantes résistantes aux insectes, les rendre plus productives, leur donner de plus belles qualités, des trucs comme ça, les rendre plus nutritives. Donc avec ça, on peut vraiment, comme on a un outil très fort pour lutter contre la faim dans le monde, avec la population qui augmente de manière exponentielle qui va continuer d'augmenter pour les prochaines années. Les OGM, c'est quelque chose de prometteur, mais pourtant, on critique ça. On parle jamais du côté positif de ça. Exactement. Donc, ce serait une idée de trucs que j'aborderais dans le volet plus désinformation. Plus en profondeur, oui, exact. Ouais. D'ailleurs, juste un dernier truc sur les OGM, là, parce que c'est quand même super intéressant. Vas-y. Mais tu sais, pour vous dire à quel point ça n'a pas de bon sens aujourd'hui, là, c'est... vous connaissez par exemple la position de Greenpeace là-dessus sur les OGM. Mm-hmm. Vous savez que le Greenpeace, en fait, ils sont contre ça, puis vertement. Mais sans mauvais jeu de mots. Pardon. mais c'est tellement fort et tellement ridicule qu'il y a un paquet de gens du prix Nobel, les anciens lauréats du prix Nobel, qui ont fait une lettre commune il y a de ça quelques mois pour dire à Greenpeace, là écoutez, là, vous devez arrêter de vous battre contre les OGM. Les OGM, c'est prometteur, touchez pas à ça, ça peut être bon pour l'environnement si on l'utilise comme il faut, ça peut nous permettre d'être moins dépendant aux ressources et tout, donc arrêtez de faire ça, c'est pas sérieux. Mais quand t'as déjà cette opinion-là contre quelque chose, c'est difficile de faire convaincre de changer exactement. Exactement. Mais est-ce que Greenpeace à la base ont des experts comme par exemple scientifiques, les scientifiques de prix Nobel? Ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça. C'est un autre sujet, en fait. les biais scientifiques, puis les biais en sciences en général. Souvent, il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent plus pour confirmer leurs études. Ouais. Il y en a des scientifiques qui disent que le changement climatique, mettons, ça n'existe pas. Il y en a, là. Sont 1%, mettons, ou 1, quelque chose. C'est drôle, mais ils ont beaucoup de financement des pétrolières d'habitude. Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien. On ne peut pas les accuser de rien. Mais non! On veut juste dire ça comme ça. Exactement. Donc, voilà les biais qu'on peut avoir en science. Puis, même tous les scientifiques ont des opinions personnelles puis qui peuvent les influencer, leur des idéologies. Donc, effectivement, il y a ça aussi. À la base, ce sont tous des hypothèses aussi. Ben, du côté de la science. C'est sûr, mais en même temps, si 97% des scientifiques sont d'un bord, ou plus. Oui, c'est ça. Probablement que peut-être que. Effectivement. Peut-être. Alors voilà, désinformation. Oui. Maintenant, il y a d'autres trucs qui sont super intéressants. Arguments douteux, par exemple. Okay. Oui. Un bon exemple d'argument douteux, ben, en fait, je vais juste définir ce que j'entends par argument douteux. Ça peut être vraiment, c'est très large. Des justifications qui sont pas suffisantes, des sophismes, genre vraiment gros comme le bras, qui ont pas de bon sens dans un argumentaire sérieux dans l'espace public. Des trucs comme ça que je pourrais critiquer. Un bon exemple de ça, c'est mauvais parce que c'est pas naturel. Qu'on entend beaucoup dans la gauche. Okay. Deux exemples. Ben, par exemple, les produits chimiques, les engrais chimiques. C'est pas bon parce que c'est chimique, tu sais. Faut rester avec les naturels. Mais tu sais, je vous ferai savoir que, en fait, c'est pas parce que c'est artificiel. Mais en fait, premièrement, tout est chimique sur la Terre. Il n'y a rien qui n'est pas chimique ici. Corps, tout aussi, c'est tout chimique, premièrement. Et puis, deuxièmement aussi, ben même si on critique ce qui est artificiel, ben c'est pas parce que c'est artificiel que c'est mauvais pour la santé. Au contraire, on synthétise des drogues, ben pas des drogues, ça c'est le terme pouce anglais, mais des médicaments, voilà, mm-hmm. pour aider des gens à survivre. Puis au contraire, il y a des trucs naturels qui nous tuent. Prenez une pilule d'arsenic chaque matin, puis ça ira pas super bien. Bon, mais c'est vrai, hein, ouais. C'est un bon point. Et puis l'huile synthétique dans ton char. C'est ça que tu disais, au fond? Voilà. C'est ça que je parlais, oui, exactement. Cool. Prenez une petite pilule de chaque matin. Fait que c'est ça. Si vous, dites que c'est pas bon parce que c'est pas naturel, ben ça marche pas, c'est pas un bon argument. Ouais. Fait qu'arrêtez de dire ça. Puis ça, c'est un argument, puis l'argument, c'est pas naturel, donc c'est pas bon. Ça s'applique à plein de choses. Un autre sujet intéressant, c'est la circoncision. On s'attendait pas à ça. J'avais dit des sujets qui dérangeaient, mais... là. Mais, on a commencé l'émission par un scrotum. Oui, c'est ça, on finit. Ben, ce qui est intéressant avec ce sujet-là, ben, souvent, ce que les gens qui sont contre la circoncision vont dire, ben, c'est pas naturel. T'sais. Ça, c'est un argument qui revient énormément. Mm-hmm. Mais c'est pas un argument. C'est ça, c'est ça le problème. C'est pas un argument. C'est pas parce que c'est pas naturel que c'est pas bon. Puis dans le cas de la circoncision, ce qui est intéressant, c'est que toutes les études démontrent à 95%, les méta-études aussi sont d'accord là-dessus, il y a pas d'effet négatif à la circoncision, même que ça permet de plus propre des fois. Plus propre dans le sens où ça permet de... ça contribue à la prévention de maladies transmissibles sexuellement. Mm-hmm. Par exemple, si on pratique la circoncision en Afrique, c'est plus efficace que de distribuer des condoms là-bas, en fait. Ah oui, pour vrai. Parce que oui, l'utilisation des condoms est tabou là-bas, puis c'est pas... une utilisation vraiment très, très peu régulière et assidue. Fait que la circoncision là-bas, c'est plus efficace que de distribuer des condoms carrément en Afrique, t'sais. Pas que la circoncision, c'est plus efficace qu'un mettre un condom, évidemment. Mais dans leur cas. Mais dans leur cas, vu qu'ils n'utilisent pas bien le truc, c'est plus efficace. Donc, c'est pour montrer à quel point, ben, il faut avoir un débat rationnel sur ce truc-là. Et il ne faut pas oublier le 5 novembre de voter dans votre circoncision aussi. Dans votre circoncision. Voilà, les jeux de mots sont lâchés comme ça. C'est parti. Ben, un autre volet aussi intéressant, c'est les comportements toxiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait occuper plusieurs de mes chroniques parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inquiétant avec la gauche. La censure, en fait, de plus en plus fréquente. C'est peut-être un gros mot, censure, mm-hmm. là, mais mm-hmm. le manque de tolérance, je dirais, de la gauche envers certains discours, pas juste les discours de droite, mais les discours qui remettent en question parfois leur position. Il y a plein d'exemples de ça. Par exemple, un des arguments les plus évidents, ben, c'est si t'es riche, c'est parce que c'est tu n'as pas le droit d'argumenter, vu que tu es riche, tu as un privilège de riche. Ouais. Donc, on ne veut pas t'entendre. Ce que tu dis, ben, c'est biaisé par ta position sociale, des trucs comme ça. Mm-hmm. Tu sais, des arguments ad hominem, des attaques personnelles qui font dérailler le débat. Il y a des gens qui, soit parce que tu es riche, que tu as des mauvaises idées ou que tu ne peux pas parler, puis même si c'est un vrai problème, ce qui arrive, c'est que ben, les riches font partie de la société, puis il faut dialoguer avec eux. Tu sais, dans l'optique où on est dans une démocratie, puis qu'on n'est pas dans un pays où on peut régler les conflits par, euh, les révolutions armées. Okay. Ben, il faut passer par le dialogue quelque part, puis il faut prendre tout le monde à un niveau égal. On peut pas se mettre à censurer les gens. De côté une catégorie complète de gens. Un autre argument vraiment... un autre exemple, je pense, qui revient vraiment très, très souvent, c'est le privilège d'homme blanc. Ouais, j'allais te demander. Évidemment. Ouais. Puis ça se ramasse... Ça revient tout le temps. Quand une discussion sur le racisme... t'as pas le droit d'y participer parce que t'es blanc. Parce que t'es blanc, exactement. Ouais. C'est tout à fait. T'as pas le droit de dire que c'est pas raciste. T'es pas confronté au truc... par exemple, si tu dis... moi, je suis contre... moi, le truc... Par exemple, si je dis l'appropriation culturelle, je trouve pas ça si mauvais que ça, l'appropriation culturelle. Ouais, c'est genre porter des dreads alors que t'es blanc, mettons. Exactement, c'est ça. Ben, y a des gens qui sont vraiment contre ça, puis qui vont... Y a même eu des vidéos sur Internet qui ont circulé sur le net, qui m'ont vraiment des gens qui harcèlent des gens qui ont des gens blancs, qui ont des dreads, c'est ça. Ouais. Alors c'est dans le fond, après ça, oui, c'est ça. Mais après ça, on parle de liberté et de pouvoir faire ce qu'on a envie de porter ce qu'on a envie de porter. Mais là, les cheveux, par contre, c'est différent parce que ça vient d'une culture, qu'une longue historique, blablabla. C'est ça qu'il faut faire attention, là, d'en faire une joke. Oui, c'est pas un costume. C'est correct. C'est pas un costume. Ben oui, c'est pas du blackface. C'est non, exact. C'est simplement un choix capillaire. C'est ça. Hashtag choix capillaire. Voilà. Puis l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui pourrait faire très bien l'objet de mes prochaines chroniques, bien sûr. C'est un très très bon sujet, mais tu sais, si tu parles contre pour l'appropriation culturelle plus ou moins là, parce qu'il y a personne qui est pour toutes les formes d'appropriation culturelle, mais mettons c'était pour certaines formes, comme par exemple le fait qu'Elvis reprenne certains standards noirs par exemple dans le blues et tout ça. Bon voilà, donc c'est des hommages. Ben c'est ça, mais tu sais, Elvis a permis de faire rayonner la culture noire d'une certaine manière, donc voilà, c'est le problème. Il y a une différence entre rendre hommage et choisir quelque chose que tu aimes d'une autre culture. C'est ça. Et versus en rire ou tourner ça en mode. Ou te l'approprier complètement sans dire d'où ça vient, puis dire ça vient de moi, tout ça. J'ai créé ça, moi, les dreads. Ouais, c'est ça. Ouais. De pouvoir arriver à dissocier ces choses-là, je pense que c'est de plus en plus difficile pour les tout gens. Tout à fait. Et de l'autre côté aussi, c'est vraiment difficile parce qu'on dirait qu'en tant qu'homme blanc, parce qu'on parle de ce sujet-là à la base, c'est difficile de venir encourager la communauté. Et là, tu te fais dire, ouais, mais on n'a pas besoin de toi pour nous défendre. Ouais, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas te défendre? Quand même. Mm-hmm. Puis c'est ça. Dérange, exactement. Que ce soit la communauté gay, noire ou pas. Oui, exactement. Pourquoi je pourrais pas t'appuyer dans ce cas-là? Oui, je veux encourager ces causes-là. Puis là, on me dit, laisse-moi. Mais t'es pas gay. Non, mais peux-tu apprécier la. Oui, c'est gens, ça, la même, diversité, genre. En tout cas, bref. Peux-tu comprendre pareil? C'est à peu près là où je voulais en venir parce que chaque fois que, mettons, quand un débat comme on a en ce moment, tu sais, on est comme trois personnes blanches ici. On est en minorité. On est en majorité. Fait que c'est ça. Il y a des gens qui vont nous dire, qui pourraient nous dire, vous connaissez pas, vous savez pas de quoi vous parlez. Mais c'est ça, c'est. On va rappeler Dominique. Dominique! Seigneur! On a plein! On pourrait dire, votre parole, elle compte pas, là, vous êtes pas au courant de ce qui se passe. Moins. Vous avez pas, c'est ça, ça compte moins, votre opinion compte pas, elle est pas bonne, elle est pas fondée. Donc voilà des trucs comme ça, des attaques personnelles qui déraillent, qui font dérailler le débat, qui ont pas de bon sens. Un autre exemple, ça me vient de me popper dans la tête, mais quelque chose que j'aurais bien envie de parler éventuellement. Dans le féminisme, on est tous féministes ici, là, on va le dire, là, correct. Mais cela dit, c'est vrai. Mais cela dit, il y a des trucs, tu sais. Qui sont extrêmes. Mm-hmm. Ben, tu sais, moi, je suis très intéressé par les courants actuels du féminisme. Plein de phénomènes qu'on décrit dans le féminisme qui sont. C'est quand même intéressant de se pencher sur certains trucs, comme par exemple le manspreading. Ouais, c'est comme la belle publicité, là, dans le métro qui est partout sur Internet. Tu sais, moi, il y a des gens qui sont vraiment outrés contre ça, mais tu sais, moi, en même temps, je suis un peu ouvert à l'idée que. Les jambes ouvertes? Ouais, mais tu sais. Parce que là, attends un peu, c'est du harcèlement. Non, mais. Ouais. On va remettre en contexte les gens qui l'ont pas vu. C'est une publicité dans peu importe un métro, on s'en fout. C'est une affiche où t'as un homme avec les jambes écartillées dans le métro, mettons. Mais qui est assis, en fait. Tu sais, il est pas écarté de même, là. Il est assis, les jambes écartillées, les genoux écartillés. Bon. Puis là, ça marque, manspreading, ce qui est le terme en anglais pour ça. C'est aussi du harcèlement. C'est un petit peu amener ça tellement à l'extrême qu'on a quasiment pas le choix de rire de ça. Non? C'est sûr qu'il y a des dérapages avec ça, mais où je voulais en venir en particulier, c'était le fait que, tu sais, il n'y a pas une idée si mauvaise derrière le truc. Mm-hmm. C'est vrai que En général, dans la société, les hommes ont tendance à prendre plus de place, oui, puis à écraser peut-être l'espace privé des femmes. Oui. Donc, c'est un phénomène qui existe, donc c'est normal de le dénoncer. Mais est-ce du harcèlement sexuel? Mais tu sais, c'est ça. C'est de mettre les mots. Il y a des manières de gérer le débat. Qui se font pas de la bonne façon. T'sais, prenez moins de place, peut-être, ou prenez pas essayez pas de mettre vos jambes sur les femmes d'à côté, mettons. Ouais. T'sais, c'est autre chose. C'est la même chose avec le concept de culture du viol. Moi, il y a des gens qui critiquent ça vraiment fortement, puis moi, je pense que. Ah, il y a la culture du viol, clairement. Pour ce qui est de la culture du viol, il faut dénoncer, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Puis il faut pas y aller d'euphémisme, il faut pas y aller avec des gants blancs. C'est ça. Les phénomènes, faut les décrier, puis c'est normal. Mm-hmm. Mais c'est ça. Il y a aussi une manière d'emmener le sujet, puis ça, c'est des trucs qu'on devrait parler. Oui. Puis on devrait pas se faire traiter de gars blancs qui a pas rapport dans le débat, tu sais. Ouais. Parce c'est vécu dans son cas. Oui, c'est ça, je suis comme attaque personnelle, Jimmy. Mais ça m'est pas arrivé, mais bon, ça pourrait m'arriver peut-être avec la chronique. Ça viendra. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr, ça va venir. Mais. Bon, voilà un exemple là-dedans. Dans la culture du viol, moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'il y a des gens qui sont... on met des gens sur la défensive, carrément. Il y a un ton extrêmement accusateur. Condescendant, des fois. Ouais, ben oui. Puis, c'est normal d'être accusateur parce que c'est un phénomène qui est très large, très répandu. Puis, on le voit avec le hashtag MeToo, entre autres. Puis, on prend comme conscience de l'ampleur du phénomène, puis c'est normal. Mais, tu sais, en même temps, dire que tout le monde a quelque chose à se reprocher tout le temps, puis que vous devez pas être dans le déni, vous êtes de mauvais garçons dans une culture malsaine, vous êtes des produits de cette culture-là, vous pouvez pas y échapper. Soyez comme conscient de votre privilège en tout temps, vous pouvez pas y échapper. Donc, c'est un ton vraiment comme accusateur qui met les gens sur la défensive. Sur tout le monde, oui. Puis ouais, on l'a vu, la défensive, parce que aussitôt que tu as un Me Too, tu as un Not All Men. OK, ça c'est en ce moment, c'est ça. Aussitôt que tu as un Black Lives Matter, faut que tu aies un All Lives Matter. Aussitôt que tu as un Si, faut que tu aies un Ça pour se contrebalancer Alt-Right, Trump parle de la Alt-Left. C'est ça. Le hashtag Not All Men, qui est complètement absurde, là, c'est complètement ridicule, c'est beside the point. Il y a personne qui a dit que c'était tous les hommes. C'est ça, ça n'a aucun rapport. Mais par contre, ce que ça démontre, c'est effectivement qu'il y a un réflexe de défensive qui est instauré, puis c'est peut-être parce que c'est parmi de la bonne façon, le truc, tout ça. Oui. Donc, il y a manière de débattre de ça, je pense, rationnellement, mais ce qu'on fait pas, malheureusement. Puis, sauf ici, maintenant. Oui, exactement. mais c'est d'où l'importance de faire quelque chose comme ça, puis je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui le font, c'est-à-dire des gens de gauche qui critiquent des trucs qui se passent dans la gauche. Ouais. Parce qu'il faut arriver à avoir un dialogue qui a de l'allure, tu sais. Puis moi, j'avais lu un article là-dessus récemment, quelqu'un qui décriait le fait qu'on ne pouvait plus argumenter entre nous en société. C'est vrai. La montée de Donald Trump, là, entre autres, là, d'où ça vient, ça? Ça vient de gens, Donald Trump, entre autres, là, son électorat, et c'est très particulier, c'est une base qui ne bouge jamais. Ouais, c'est ça. C'est la même gang, tout le temps, qui est isolée des autres. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur Internet ensemble, puis il n'y a personne qui veut leur parler. Mm-hmm. Ils sont isolés entre eux, ils se parlent entre eux, parce qu'on n'est pas capable de parler entre nous autres. Mm-hmm. Mais tu sais, si on serait capable d'échanger avec eux, pas de les éduquer, là, mais bon... de leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'éducation. Mais tu sais, de leur montrer de nouvelles idées, mettons. Ouais. Mais si on était capable de faire ça d'une manière raisonnable puis de les prendre comme des êtres humains rationnels, on pourrait peut-être faire avancer les choses. Puis Donald Trump n'aurait peut-être pas passé si on avait été capable de faire ça, puis avoir l'humilité de vraiment pas se mettre comme sur un piédestal puis dire, voilà, nous, on a la raison, on est les gens qui défendent le bien commun, les autres, c'est des méchants. Mais c'est difficile de parler avec quelqu'un. C'est ça l'affaire maintenant, c'est que tout le monde doit avoir raison, et si t'es pas du même avis... T'es un rien. Mais tu te fais frapper, tu te fais littéralement frapper à des rallyes de Donald Trump. Oui. C'est ça, quand t'es pas de leur bord, t'es l'ennemi. Les médias, c'est les ennemis parce qu'ils disent pas les choses que Trump veut entendre. Puis en même temps, évidemment, t'sais, il faut toujours rappeler que la violence vient surtout de l'extrême droite la plupart du temps. Ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il y a rien de ça de l'autre côté non plus. Exactement. C'est ça l'affaire. Tout à fait. Je suis pas en train de dire, tu sais, c'est ce genre de truc là, l'idée de blog puis de chronique que j'ai en ce moment, ça peut peut-être donner la mauvaise impression puis me faire sonner comme un gars de droite qui défend des idées de droite, mais non, c'est pas ça. Je dis pas que la droite a rien à se reprocher. Au contraire, moi je suis de gauche puis c'est pas pour rien. Mais tu sais, en même temps, à un moment donné, il faut se regarder le nombril, se regarder dans le miroir puis dire, ben, on a des problèmes aussi. Puis je pense que c'est vraiment en se rationalisant nous-mêmes, en ayant un discours plus rationnel, ouais, qu'on va être capable de convaincre les autres. Tu sais, si on se met à vraiment avoir les mêmes failles que les autres, ben les gens vont récupérer ces failles-là, puis le débat avancera pas. Donc voilà, c'est ça l'important, c'est je pense. C'est bien dit. Voilà. Pour vrai, c'est... Faites de la poésie ce matin. J'imagine que tu arrêtes là parce que c'est sur la note la plus parfaite possible. Ben écoute, on peut arrêter là. Ça, je pense on peut continuer aussi. Ben, on en prendrait plus d'un. On prend une pause, puis on revient. C'est ça. Ben je pense que ça fait comme 20 minutes, non, c'est ça? Ah, pour vrai, écoute, là, t'arrêtes là, quand si ça tombe. Écoute, si tu veux, ouais, c'est ça. On n'est pas là pour mettre des barrières dans les roues. Là. J'avais-tu autre chose à dire par rapport à ça? Privilège d'homme blanc. Pas vraiment, en fait. Ça, je pense que j'avais fini le point. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le blog, en fait, va venir très bientôt. Là, je pourrais en donner des nouvelles un peu plus l'adresse tard. L'adresse et tout ça. Ouais, l'adresse et tout ça plus tard, parce que de toute façon, il n'y a rien dessus. Fait que ça vaut pas la peine d'en parler tout de suite. Fait que c'est ça. Moi, ça s'appelle The Leftward Watch. Ça se traduit pas vraiment en français, ce nom de blog-là. Surveillance de la gauche. Sentinelle, de la tendance à gauche. Sentinelle qui regarde vers la gauche, quelque chose comme ça. Fait que j'avais pensé à un équivalent en français pour la chronique. Je me suis dit, peut-être quelque chose comme Bévue gauchère ou Gauchère Bévue, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas pire. Hein? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. J'aime ça. En tout cas, bref, il faut confirmer. Il n'y a pas de jeu de mots, mais c'est correct. Gauchère et tout, ben c'est ça. De gauche. C'était pas mal. Gauchère de gauche, ben oui. Ben oui, c'est ça. Pas ce nom-là. C'est ça l'idée. Non. Donc voilà. On s'en reparlera. On a toutes les semaines, en fait, dorénavant, pour en parler avec Jimmy Thibodeau tous les mardis à partir de 9h. Moi, en tout cas, je prédis un succès. Moi aussi. Énorme. Pour cette collègue. Moi aussi. Un applaudissement. Ben oui. Mais juste deux claps. Bon. Ouais, c'est ça. Puis là, les lumières éteignent. Boum. Mais c'est un très beau retour. Oui. Après un an? Un an! Trois ans. Ouais, c'est ça. Hein, on sait plus, là. Le temps passe devant nous comme un train. Hey, je pense 2 ans parce que la session d'automne passée, j'étais pas là. C'est ça. L'hiver passé, j'étais en Europe. Et puis, je pense que c'était la session d'automne d'avant ça. Ah, fait, c'est 2 ans, c'est ça. C'est exactement. Mais bref, on apprécie que tu aies accepté notre recrutement officiel. Ben, pareillement. Oui. Je crois qu'on a commencé le blog à cause de vous autres. Là. Ça va me donner une motivation à. Voilà. À c'est notre aide. Ben, c'est ça, exactement. Voilà. Fait généreusement. Merci, Jimmy Thibodeau. Merci à vous. On prend une pause, tu l'as dit, Tania. Mm-hmm. C'est vrai qu'on s'en va en pause, mais musical avant, parce qu'on s'en va entendre. On a parlé de la société d'aujourd'hui, oui. Des médias sociaux, de ce qui se fait là-dessus. Ben là-dedans, il y a Tinder aussi. Hein. Ah, ouais. On écoute Days avec la version live dans nos studios de Long Gone. Ah, on aime ça. Son cœur un beau gars sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'en vas fait voir comme les loups monde de grand-mère. Ça dit les meilleurs, même vous c'est tout pathétique. En vient transmettre les bras de la leur. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh yeah. Surprenant le coup, lâche ou le poids du problème. Tu vois plus le mot des dames, c'est clair avec le temps. Car mon fessé en calvaire, y'a pas perdu son élan. Y'a le vent de Flora, vanité dans son cœur. We'll be right back. sondage requis. Vous êtes à Assemblage Requis, il nous reste une dernière petite demi-heure en ce mardi matin, mm-hmm. Tania Baudin. Oui, Mathieu Plante aussi. Oui, avant la pause, je n'avais pas annoncé après de la chanson, donc des fois les gens qui veulent savoir, c'était Days avec Long Gone, version en direct dans les studios de C'est Fou. Ils sont tellement adorables. Donc comme je disais, il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure, mais c'est juste parfait pour la durée typique d'une chronique de Tania Is Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Tania, aujourd'hui tu m'as dit qu'on parlait de glace. Oui. Et ça nous titille pas mal. Ouais. Glace, ça veut rien dire, mais en même temps ça veut tout dire. Je sais, c'est fou, c'est fou. Comment est-ce que je pourrais vous amener le sujet? Ouais, maintenant que t'as pas le choix. Le gros sujet, ouais, c'est ça. En fait, vous savez, je lis un petit peu sur pas mal n'importe quoi. Il y a un des... c'est drôle parce que Jimmy vient de parler de tout ce qui est science, tout ce qui peut être quand même pointé du doigt. Ouais. Et je vais probablement rentrer dans ces sujets de pointage de doigt. Peut-être qu'il va pointer son doigt envers moi la semaine prochaine, on sait pas encore. On va voir ce que lui va en passer. En pensée, oui, pas en passé, mais j'ai fait quelques découvertes cette semaine en lisant justement sur des sujets qui sont quand même scientifiques, qui sont quand même aussi de titres catastrophes climatiques, comme on parlait tout à l'heure. Et j'ai le goût, en fait, de vous les partager parce que, bon, il y a des bons côtés à ça, mais il y a surtout des mauvais côtés. Et c'est un petit peu ce qu'on veut faire, en fait, c'est de pointer certaines difficultés pour qu'on puisse se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La plupart du temps, c'est pas mal l'enjeu d'une société, c'est de pointer des difficultés et d'essayer de chercher une façon que ça va bien se terminer tout ça. Espérons-le. Mais pour le moment, si on a mis le sujet sur la glace, c'est parce que je vais vous parler d'Antarctique. Ah ben, Colin! Donc, je vais vous parler de glaciers ce matin, de glace, de gros morceaux de glace. Pas de dessert produit laitier. Mais glacé. Non, je vous parle pas de crème glacée, ah. Je vous parle pas non plus de sorbet, mais je vous parle vraiment de glaciers, de calottes glaciaires, d'animaux qui vivent sur cet espace-là, qu'est-ce qui se passe avec eux. Parce que justement, comme je vous le disais, j'ai fait quelques recherches, je me suis trouvée en fait à mettre la main sur, ou du moins les yeux, en lisant sur quelques articles qui sont très intéressants. Alors pourquoi pas vous les présenter. Un premier article, il est pas nouveau, il est sorti il y a quelques mois déjà, mais il pleut en Antarctique et ça, c'est pas un bon signe. Mais c'est souvent des choses qu'on va pas nécessairement montrer dans les grands médias parce que, bon, ça passe un petit peu entre deux nouvelles qui sont pas mal plus sensationnelles à discuter que de discuter du fait qu'il y a des changements climatiques qui font peur. Il y a de la slush en Antarctique, ça. Ça va pas bien. Donc, il y a une étude alarmante qui a été publiée un petit peu plus tôt cette année, donc au mois de juin, par des climatologues américain qui travaille justement sur le réchauffement climatique en Antarctique. En fait, cette étude-là publie et souligne les inquiétantes fontes de glace à l'ouest du continent austral, qui est marqué par des chutes de pluie. Le continent austral a été racheté par Bell Media. C'est ça, exactement. T'as tout compris, Mathieu. Donc, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, on le sait, ça l'a fait alarmer plusieurs personnes. Ça l'a fait crier aussi plusieurs personnes. On se demande pourquoi ils ont fait ça. Mais ça l'a remis le réchauffement climatique sur le devant de la scène médiatique durant les semaines qui justement suivaient ce retrait-là. Et ça l'a provoqué un appel du président Macron aux talents étrangers qui étaient désireux de vouloir lutter contre ce phénomène-là, qui est le changement climatique. Donc, les scientifiques, eux, s'inquiètent des faits qui sont alarmants, qui sont observables aussi depuis plusieurs années, parce que, comme on le disait tout à l'heure, si la majorité des scientifiques disent qu'il y a vraiment un changement climatique, faudrait faudrait peut-être considérer le fait que il avait raison déjà il y a une couple d'années de ça quand il nous le disait, puis qu'on les a ignorés. Donc, le dernier exemple en date se trouve particulièrement dans la dernière, dans une édition du journal Nature Communication. Ce sont des climatologues du Scripps Institute of Oceanography de l'Université de l'Ohio qui ont constaté un dérèglement climatique qui cause des chutes de pluie au niveau de l'ouest de l'Antarctique. C'est un phénomène qui est dû à de nombreux facteurs. Ça, on ne peut pas se le cacher. Je pense que la plupart des gens présentement, on le sait, on est au courant, on en a déjà entendu parler. Mais notamment, le réchauffement des températures marines et atmosphériques de la zone, c'est ce qui crée les fameuses grandes pluies de ce côté-là. Et c'est ce qui est alarmant, en fait, parce qu'il n'est pas censé mouiller là-bas. Il est juste censé faire fret. Le fait qu'il mouille, c'est un peu inquiétant pour la plupart des scientifiques qui se penchent sur la question. Donc, selon les scientifiques qui ont étudié justement la question du pourquoi est-ce qu'il se met à mouiller et qu'est-ce qui engendre ce changement climatique-là, bien, ça tient notamment à la fonte anormale de la surface d'une portion du continent qui est glacée, qui devrait rester glacée, mais qui finalement est en train de fondre. Donc, ça représente une superficie qui est de près de 770 000 km carrés, soit un peu plus que l'État du Texas aux États-Unis. Présentement, il y a une fonte de cette grandeur-là qui se passe sur le continent glacé et ça fait peur, ça fait peur, disons-le. Et c'est un phénomène aussi qui est appelé à se reproduire. Donc, il est arrivé des pluies, on s'est posé quelques questions, on a eu des réfutations par rapport à tout ça, mais là, on se pose la question, est-ce que ça peut se reproduire, cette espèce de phénomène de pluie-là, sur un continent qui est censé rester glacé, qu'on veut pas voir fondre, parce que, bon, si ça fond, ça amène une panoplie de d'autres catastrophes climatiques? Eh bien, oui. La réponse, c'est que c'est oui, c'est un phénomène qui va pouvoir se reproduire. Donc, la plus grande barrière de glace de l'Antarctique, c'est une zone qui fond à cause du phénomène El Niño, qui est surnommé comme ça à cause des perturbations de la circulation atmosphérique entre les pôles et l'équateur qui empêchent la remontée d'eau froide. On n'a plus de remontée d'eau froide, il y a juste des remontées d'eau chaude. Donc, c'est un type d'événement qui amène un air chaud, qui amène un air humide aussi, qui fait fondre justement la surface des immenses glaciers. Et avec la condensation que ça amène, bien, il y a comme des chutes de pluie inhabituelles. Et ça favorise aussi la fonte des neiges qui est en surface. Donc là, présentement, on n'a pas non seulement plus de neige, mais on n'a plus de neige, puis on commence à faire fondre la glace qui est en dessous. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très alarmant parce que, bon, on n'est pas fous, là. Il y a des changements climatiques qui sont quand même assez impressionnant. On parlait un petit peu plus tôt durant la saison du fait qu'il n'y a quasiment pas de changement de couleur dans les arbres qui est éclatante comme avant. Bien, c'est un changement climatique qui est très bien engendré par la fonte des glaces. C'est justement ce réchauffement climatique-là qui amène tout ça. Donc, on a une espèce de fracture d'une barrière qui est possible et ça amène des conséquences directes de justement libérer un coup, une quantité de glace dans les eaux, ce qui fait que considérablement, ça fait monter le niveau de la mer. Irma, Harvey, tous ceux-là, là. Weinstein, là. Vas-y, lui. Weinstein. Les joyeuses petites filles, là, qui oui, c'est font, ça, Harvey Weinstein, oui. C'est ça, qui font du ravage un petit peu partout. Bien, c'est justement à cause des fontes glaciaires. Donc, justement, les grands glaciers, c'est problématique, ça fait peur. Et on parle moins souvent des glaciers d'Amérique. On parle beaucoup plus de ceux qui sont en Antarctique, mais les glaciers d'Amérique du Nord, ils fondent eux aussi. Peut-être même au même rythme que leurs cousins, par exemple, d'Europe ou d'Asie. Donc, c'est un problème qu'on dispose parfois à leur sujet, que justement, l'information est un petit peu anecdotique. On se dit, c'est-tu vraiment vrai? On dirait que c'est annoncé comme une surprise. Pour la plupart du monde, on n'a pas pris ça en considération lorsque ça nous a été annoncé il y a quelques années, du moins des dizaines d'années. Oui. Là, on se pose les questions. On aurait-tu dû faire quelque chose? Probablement. On le regrette. On n'a pas le choix aussi de vivre avec les conséquences de tout ça, du fait qu'on a dit non il y a une dizaine d'années à ces fameux changements scientifiques-là. Donc, au même moment, on aurait au contraire besoin de données qui sont très efficaces et qui sont très, très justes pour se préparer au pire. Parce qu'on n'est pas préparé au pire présentement. On a juste repoussé la question pendant des années. On a vécu dans le déni comme un étudiant. Pareil, comme un étudiant en mi-session, on vit dans le déni, on n'étudie pas. On regarde pas les notes des autres. On se dit, ça va bien aller, écoute, c'est pas vrai, tout ça. Et là, on n'est pas préparé à ce qui va arriver. Donc, par exemple, si on regarde une compilation qui a été publiée récemment par l'Université d'État de Portland, uniquement dans l'État du Wyoming, dans les Rocheuses, il y a près d'une centaine de glaciers qui couvrent une chaîne qui s'appelle Wind River. C'est la plus grande concentration de glace d'Amérique du Nord. La plupart des gens ne sont peut-être pas au courant, mais sachez-le. Et en dehors de l'Alaska et de l'État du Washington, bien, c'est pas mal cette chaîne-là qui fait en sorte qu'on a une grande concentration de glace en Amérique du Nord. Et en même temps, c'est la moins bien connue parce qu'on est un petit peu isolé. On est très, très haut en altitude. Et tout ça, c'est gardé par les chercheurs à distance. Mais il y a des habitants des environs qui sont un petit peu plus conscients de tout ça et qui prennent de plus en plus conscience aussi que leur approvisionnement en eau dépend de la survie de ces glaciers-là. Et présentement, on est en train d'en voir la fonte. Donc, non seulement ça amène des habitants dans le trouble, parce qu'on n'aura plus d'approvisionnement en eau, parce que, bon, c'est causé par les glaciers, mais non seulement on va peut-être engloutir ces habitants-là de l'eau qui va fondre de ces glaciers-là. Donc, déjà en 2011, il y avait des analyses, il y avait des photographies aériennes qui nous montraient et qui suggéraient qu'il y avait plusieurs glaciers qui avaient perdu plus de 38 % de leur surface depuis 50 ans. Mais là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'en 2017, on voit une plus grande augmentation de cette fonte-là, et rapidement. Donc, quand on disait qu'on n'était pas préparé au pire, c'est que le pire, c'est que ça va de plus en plus vite, cette fonte-là. Ça a pris des années déjà pour que ça fonde moyennement normalement, si vous me permettez de dire ça comme ça, entre guillemets. Mais là, c'est que on a été habitués à repousser cette question-là, justement. On n'a pas pris en considération tout ce qui nous était dit. Alors, ça se passe rapidement. C'est de plus en plus rapide qu'on voit la fonte de ces glaciers-là. Donc, ce qui veut dire que les catastrophes vont arriver de plus en plus rapidement aussi. On n'aura pas le temps de se préparer à tout ce qui va arriver. On en avait discuté vraiment très rapidement, un petit peu plus tôt durant la saison. Je vous avais arrivé avec une nouvelle qui disait qu'il y avait des volcans qui dorment sous la calotte glaciaire en Antarctique et qui avaient été découvertes. Eh bien, c'est vrai, 91 volcans dorment sous la calotte glaciaire. Et si on se dit réchauffement climatique, changement de chaleur, est-ce que ça veut dire que ces volcans-là vont pouvoir, à un certain point, devenir en éruption? C'est la question qu'on se pose présentement. Parce que, bon, les scientifiques ont non seulement découvert 91 volcans, mais on est à 2 km sous la calotte glaciaire dans l'ouest de l'Antarctique, ce qui devient une des régions volcaniques les plus vastes au monde. Non seulement il y en a plein des volcans, là, mais la chaleur fait en sorte que ça se réchauffe, ça tout bouille. Ça, là, ça bouille. Donc, c'est des volcans qui s'ajoutent déjà aux 47 qui avaient été détectés dans l'ouest du continent polaire. Et leur nombre s'élèverait donc désormais à 138. On parle de 138 volcans dans une région qui est glaciaire, qui devrait rester glaciaire en temps normal, mais que présentement, ça fond. Donc, si vous calculez ça comme ça, ça se pourrait que ça bouillonne beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Donc, on a une densité volcanique qui serait similaire à celle d'un grand rift est-américain. Et la hauteur des volcans additionnels se situe, entre autres, entre 100 mètres et 4000 mètres. Donc, c'est un petit peu fascinant. On ne s'attendait pas à en découvrir autant, mais on suspecte aussi qu'il y en ait d'autres sous d'autres calottes glaciaires pas loin de là. Donc, il y a des conséquences potentielles qui sont désastreuses. C'est une découverte, en fait, qui a été issue d'une étude qui a été produite par des géologues de l'Université d'Edinburgh qui a été publiée dans The Geological Society qui a de quoi inquiéter, justement, les scientifiques. Non seulement la fonte s'inquiète, mais si un des volcans entrait en éruption, là. Si on fait juste se poser la question, bien la couche de glace dans l'ouest de l'Antarctique serait affectée encore plus qu'elle l'est déjà parce qu'on est affecté par les changements climatiques. Donc, ça pourrait être complètement déstabilisé si un des volcans rentre en éruption. Et tout ce qui provoque la fonte des glaces, ce qui est, c'est certainement le cas d'une éruption. Donc, on a de fortes chances d'accélérer le flux qui est écoulé dans l'océan, qui fait en sorte qu'on a des catastrophes naturelles incroyables depuis quelques temps. Et si un de ces volcans-là arrive à bouillonner et à rentrer en éruption, et ça va tout simplement briser tout ce qu'on connaît. Donc, il va en avoir encore plus. Et pour tous les volcans sous la couche de glace présentement, bien, les chercheurs ont utilisé un radar qui permet de détecter, par exemple, du basalte. C'est une roche volcanique qui provient du magma qui est refroidi. Donc, on fait des recherches à savoir est-ce que ce magma-là qui est refroidi se réchauffe présentement. Et les pointes de ces rochers qui sortaient au-dessus de la glace avaient permis aux scientifiques de trouver les volcans au cours du siècle dernier. C'est comme ça qu'on avait repéré les 47 qu'on savait déjà. On a ajouté à ça 91. Mais là, tous ces beaux petits glaciers-là, là, tous ces beaux petits volcans-là, là, si on trouve du magma refroidi qui se chauffe sur plusieurs de ces volcans, ça veut non seulement dire qu'il va en avoir un qui pourrait rentrer en éruption, mais ça fait en sorte qu'on va avoir une panoplie de volcans qui pourraient devenir problématiques, non seulement pour l'Amérique du Nord, non seulement pour l'Antarctique, mais pour la Terre en entier. Donc, plus récemment, il y a des jeunes chercheurs de l'équipe qui ont aussi un mordu pour les volcans. Ils sont passionnés de volcans. Ils se sont demandé s'il y avait de telles roches qui pouvaient aussi se cacher sous la glace. Donc, le magma refroidi. Est-ce que ça se pouvait que ça se trouve en dessous de tout ce qui est en train de fondre présentement? C'est une question, finalement, qui a été prolifique. Donc, elle a mené à la plus récente découverte des volcans parce que c'est en dessous de la glace qu'on les a trouvés et non seulement sur le dessus. Donc, on s'est posé la question s'il y en a sur le dessus. C'est sûr qu'il y en a en dessous. On a commencé à creuser un petit peu plus fort et c'est là qu'on a trouvé la plupart des volcans. Donc, oui, c'est alarmant. Ça souligne d'ailleurs une tendance qui est alarmante. Ça veut dire que les endroits où les activités volcaniques les plus importantes ont été remarquées dans les derniers temps, c'est pas où est-ce qu'ils sont déjà découverts, c'est où est-ce qu'ils sont cachés. C'est sous la glace. Donc, ça se trouve justement dans des régions qui ont récemment perdu leur couche de glace, soit à la fin de la dernière période glaciaire ou ce qui se met à fondre de plus en plus rapidement. L'Alaska, l'Islande, l'Europe, tout à l'heure on parlait de l'Asie aussi, ce sont des exemples. Selon la théorie scientifique, le retrait de cette couche de glace-là au-dessus des volcans va relâcher une pression, parce que veux, veux pas, la glace c'est fort, là, donc ça fait une pression sur les volcans. Et si cette couche-là fond, bien ça va relâcher une pression qui va accentuer l'activité chaude des volcans. OK, un peu comme le bouchon d'une liqueur, quelque chose comme ça. Pareil, ça va faire pshou, pshou. Mais là, on parle de 138 volcans dans une même région. Ouais. Donc, on veut s'assurer, en fait, que la couche glaciaire ne va pas fondre trop rapidement. Mais on se pose la question aussi, est-ce qu'on serait pas un petit peu trop tard pour se poser cette question-là? Parce que dans le fond, c'est inévitable que ça va fondre éventuellement, mais on voudrait calmer un petit peu, décélérer la vitesse. Ben oui, tout à fait. Puis cette couche de glace-là, mais il faut se rendre compte qu'en Antarctique, par exemple, il y a des animaux où il y a des manchots. Qu'est-ce que ça engendre du côté des animaux qui se trouvent déjà sur ce continent glacé-là? Il y a des milliers de poussins de manchots à délices, donc la sorte de manchots, qui sont morts de faim dans l'Antarctique présentement en raison de l'étendue inhabituelle de la banquise qui a un petit peu contraint les parents de ces poussins-là à aller chercher plus loin leur nourriture. Donc, ça fait en sorte qu'on a des morts sous la main, sachez-le. Y a des chercheurs français, en fait, qui ont été soutenus par le Fonds mondial pour la nourriture, qui étudie depuis 2010 une colonie de 18 000 couples de manchots à délits dans l'est de l'Antarctique. Et on a découvert que seuls deux poussins avaient survécu après la dernière saison de reproduction, donc vers la fin de 2016 et le début de 2017. Il y a seulement deux poussins qui ont réussi à survivre parce qu'on n'est plus capable de faire cette nourriture-là qu'on était capable de faire grâce aux glaciers et grâce au froid qu'on avait. Présentement, leur nourriture meurt parce qu'elle fond. c'est pas une bonne chose. Donc, c'est un désastre qui s'explique inévitablement par les niveaux inhabituels de la banquise, surtout vers la fin de l'été. C'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus chaud. Donc, les adultes ont été contraints d'aller un petit peu plus loin pour chercher la nourriture qui est destinée aux bébés. Et les bébés, pendant qu'ils attendent leurs parents, bien, ils sont morts de faim. Donc, ça fait en sorte que c'est problématique, non seulement sur tout ce qui est environnemental, mais c'est problématique aussi sur l'espèce de roue qu'il y a au niveau de la nature des animaux. Donc, il y a des conditions qui sont mûres pour que ça puisse se reproduire beaucoup plus fréquemment à cause justement de la rupture de glaciers qui se passe. En 2010, d'ailleurs, on avait vu une rupture du glacier Mertz. Ça avait changé la configuration de la mer devant la colonie de manchots qui se trouvait là. On avait dû, d'ailleurs, aller chercher la nourriture un petit peu plus loin. Mais là, ce glacier-là, il continue à s'en aller de plus en plus loin, ce qui fait en sorte qu'on doit aller chercher notre nourriture de plus en plus loin. Ça porte problème incroyablement. Les pauvres animaux! Ces pauvres animaux, il y a des trous géants de genre 80 000 km carrés qui se forment en Antarctique. Et c'est drôle parce qu'on n'en parle pas nécessairement souvent, à moins d'écouter des découvertes ou à moins d'écouter de lire sur le sujet. Ouais. C'est pas des nouvelles qui font la une des journaux, c'est ça exactement. Et pourtant, on va tous, à quelque point, en subir les conséquences. Absolument. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Ah, Tania, ce gars d'Entertainia qui est là pour nous déprimer comme ça cette fin d'émission. Ouais, je suis désolée, hein. On fait une autre chronique tous les jours de semaine à Assemblage Requis, mais malheureusement, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission qui s'est passée à un rythme effréné. Incroyable. On remercie, bien sûr, tous nos chroniqueurs aujourd'hui. Justine Renaud était là pour sa chronique Justine Pertine. Marc-Olivier Dumas a fait Sport et Filoché. Dominique Mavungu avec Voix d'Afrique et Jimmy Thibodeau avec sa nouvelle chronique sur les idées reçues. Merci à toi, Tania Beaudamier. Merci à toi, Mathieu Plante. On se retrouve demain et demain, l'émission. Un plan quand même encore chargé, je te dirais. La même chose qu'aujourd'hui, dans les mêmes cases horaires. Donc, presque. À 7h, Sébastien Gertin avec son bulletin Gertin. À 8h, la chronique Nightlife musicale d'Alex Marchand. À 8h30, la chronique Zone Campus avec David Ferron. Et à 9h, on va parler d'improvisation avec Gabriel Béhout. Donc, c'est demain entre 7h et 10h. Restez avec nous sur nos ondes aujourd'hui. En ce mardi, on va être de retour, moi seulement, pour les premières séquences. Exactement. Moi, j'étais en examen, Mathieu. On te souhaite bonne chance. Donc, ça va être à partir de midi pour l'édition Mishmash des Palmarès C'est Fou. Ensuite, à 13h, la rediffusion de Rock de Neuron. Puis à 15h, c'est dans ta face, c'est les pas sortables. Et 19h, réanimation. Voilà pour votre journée. Merci d'avoir été là. À demain, 7h. Bon café, tout le monde! Café.